les aide à affronter d'autres trucs, les choix d'orientation scolaire, etc., à les aider à choisir. Puis un jour, tu te retrouves à ton mariage et tu te rends compte qu'à ton mariage, bah, tu as une partie de tes joueurs qui sont là. C'est un truc de... Et ça, maintenant, c'est devenu un de mes principes de base, c'est t'intéresser aux hommes avant de t'intéresser aux joueurs. Mais si tu t'intéresses que aux joueurs, à la fin, c'est l'homme ou la femme qui te quitte et qui s'en fout de ton projet, en fait. J'avais un formateur qui disait tu dois avoir des convictions, mais aucune certitude. Il y a, je crois que c'est Gourcuff, une fois, Christian Gourcuff, il y a pas mal d'années, je crois qu'il avait dit une fois, pour une saison soit réussie, il faut que tes joueurs aient progressé, mais que l'entraîneur ait progressé plus vite que ses joueurs. Et que si un entraîneur n'a pas progressé sur la saison, de toute façon, elle est ratée. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à toutes et à tous. En fonction du moment de la journée que vous choisissez pour écouter cet épisode ou en fonction de là où vous vous situez sur notre très chère planète, mes salutations devraient convenir à toutes les oreilles parmi les francophones que vous êtes. Bienvenue sur Footballagogie, le 13e épisode, où j'échangerai cette fois-ci avec Monsieur Julien Guilabert, qui me permettra de partager une partie de son aventure, qui nous emmènera notamment sur de nombreuses années où il est intervenu au sein du même club, avant d'avoir les rênes de l'équipe senior, et de maintenant s'impliquer dans le football féminin. Je l'en remercie pour le partage qu'il m'a offert, le temps qu'il nous a offert. Avant que vous puissiez avoir accès à l'épisode, il me tient à cœur de vous rappeler qu'en description de tous les épisodes sur toutes les plateformes, vous avez accès à une timeline, c'est-à-dire que je divise l'épisode et je mets entre guillemets des titres qui vous permet d'accéder aux parties qui vous conviendraient le mieux en fonction de vos aspirations actuelles. J'ai bien conscience que parfois les épisodes sont un peu longs, ainsi je ne veux pas faire une introduction trop longue. Je vous donne rendez-vous dans quelques heures pour la conclusion et je vous souhaite évidemment une bonne écoute. Ça va ? Je suis aussi. Comment ? Ouais. Ouais, ça va. Ça va, ça va. Ouais, ouais. Ouais, tout se passe bien en ce moment. Le grand discours pour voir combien de temps va durer encore le confinement minimum. Ah, c'est pour aujourd'hui, c'est ça ? Ouais, c'est ce soir qui prend la parole. Il y a des rumeurs qui disent début mai, mi-mai, fin mai. On va voir. Par rapport au confinement ? Ouais, par rapport au confinement, ouais. Et la Fédé qui devrait officialiser probablement demain ou après-demain l'arrêt des compétitions amateurs. Et l'annulation totale Ouais, alors il y a plusieurs rumeurs, il y en a qui disent que ça va... Il n'y aura pas de saison blanche, ils vont prendre soit le classement à la trêve, soit le classement à aujourd'hui. Donc c'est pas encore comment ça va se passer. Ok. J'avoue que c'est une décision qui, j'imagine, doit être extrêmement difficile à prendre pour n'importe qui. Ouais, c'est clair. C'est suivant si t'es premier ou si t'es en train de jouer le maintien, bah c'est pas pareil, évidemment. Et effectivement. T'as pas envie de... Pour une fois, on a eu la bonne idée d'être... Voilà. On joue ni le titre, ni le maintien, donc... Là, on n'est pas concerné pour une fois, c'est cool. D'accord. J'avoue, ouais, non... Ça veut dire quoi par rapport à n'importe quelle décision qui serait prise dans ton cas par rapport à l'équipe que tu entraînes qu'est-ce qui se passerait ? Moi, on reste dans la division, on était 3e à la trêve et on est 4e aujourd'hui sur 10, donc d'accord. Il n'y a pas d'incidence que le championnat s'arrête ou pas. Il n'y a pas d'incident. Okay. Je comprendrais les éducateurs et les équipes se seront frustrés de ne pas avoir pu jouer le titre jusqu'au bout ou le maintien jusqu'au bout. C'est vrai que c'est frustrant de ne pas jouer ses chances jusqu'au bout, mais nous, le titre, c'était pas pour nous cette année, donc on va juste suivre les infos et voir ce qui nous attend. D'accord. Même en étant troisième, c'était parce que c'est un... Au niveau comptable, c'était pas atteignable ou c'était ouais, juste c'était, parce que c'était pas un objectif c'était... C'était compliqué et au-dessus, c'était plus fort que nous cette année. Donc, d'accord. On est à notre place, on était en quatrième, là, on est à notre place, donc à la limite, ouais. Tant mieux quoi. D'accord. Et toi, par rapport à n'importe quelle décision qui va être prise, sans considérer l'aspect comptable, l'aspect. Ça serait quoi ton. Je sais pas. C'est... Le fait que la saison elle s'arrête maintenant ben, c'est vrai que c'est dur. C'est dur si t'es deuxième à un ou deux points du premier et que Tu sais que sur les débuts des matchs retour, tu as joué que les gros, entre guillemets, et que le premier a joué que les mal classés, bah, le classement aujourd'hui est un peu biaisé. C'est plus logique d'avoir d'arrêter sur les matchs à la trêve, parce qu'au moins, tu as rencontré exactement les mêmes adversaires. Après, c'est vrai que, enfin, comme j'en parlais avec certaines de mes joueuses qui me posaient des questions, je leur disais, à mon avis, il n'y a aucune bonne décision qui peut tomber. Il y aura la moins mauvaise qu'ils trouveront, mais la bonne, je ne suis pas sûr qu'elle existe. Ouais, parce qu'elle ne conviendra pas à tout le monde dans tous les cas. Donc... Ah, non, t'auras forcément certains qui diront c'est injuste. Après, le truc que j'espère, c'est qu'à même niveau, il ne va pas y avoir non plus des recours et des appels, des machins qui vont faire durer, traîner en longueur, parce que c'est... Mais t'entends déjà des présidents de club apparemment qui se mettent d'accord pour, si jamais ça va pas comme ils veulent, faire des appels, des attaquer, etc. D'accord. La fin de cette saison va être compliquée, mais je pense que le début de la prochaine va être aussi mouvementé. Ouais, dans cette histoire, personne, enfin, il y a qui accablé dans tous les cas, donc. C'est... Ouais. Non, je comprends. C'est pour ça que je dis, pour moi, il y a pas de bonne, il y a pas de bonne solution. Que tu arrêtes à la trêve ou que tu arrêtes maintenant, de toute façon, tu auras des équipes qui seront frustrées, c'est obligatoire. Et je les comprends. Après, tu peux pas faire une saison sur un an et demi, c'est compliqué. Ouais. C'est comme les championnats pro, la Ligue des Champions, etc. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Personne ne sera heureux et satisfait de toute façon. Ouais, tout à fait, tout à fait. Quand tu vois qu'une équipe comme Liverpool qui a fait une saison exceptionnelle, si le championnat s'arrête, ça se trouve, ne sera pas champion d'Angleterre. C'est... Pour eux, c'est dramatique. Pour le coup, je partage complètement ton avis en ayant eu un échange il y a quelques jours. Difficile de se positionner, et puis moi pour l'instant je suis que spectateur en étant loin, mais en discutant avec certains éducateurs qui sont vraiment concernés par la situation, c'est vrai que s'il y a bien un exemple qui dénote un peu par rapport à tant d'autres, c'est quand on est un petit peu passionné de football et qu'on sait l'histoire de Liverpool et qu'on sait les méandres par lesquels ils sont passés les dernières saisons par rapport au titre de champion, et puis le on va dire le mérite qu'ils ont sur ces dernières années, ce serait assez fou quand même qu'ils puissent pas obtenir ce titre. Incroyable. Incroyable. Quand tu vois qu'il y a pas si longtemps que ça, ils doivent être champions. C'est Steven Gerrard qui glisse, qui perd ballon. Ils sont pas champions. Non, mais tout à fait. Je pense exactement à cette anecdote. Ouais, moi, je regardais le match en direct à la télé à ce moment-là. Je me dis, c'est pas possible. Ils seront, en fait, jamais de leur vie, ils le roseront de nouveau. C'est terrible. Et là, tu dis, bon, bah, là, il y a plus rien qui peut les arrêter. Ils sont lancés, ça fait 2 ans, ils sont stratosphériques. T'as un virus qui arrive sur la planète entière, et les mecs, ça se trouve, à cause de ça, ils sont pas. Tu dis, mais là, c'est un truc de science-fiction. Je regardais le classement ce matin, je crois qu'il y a 25 points d'écart avec Manchester City. Enfin, c'est... Il leur manque quoi? 1 point, 3 points, je sais plus, un truc comme ça. Ouais, non, c'est. Ouais. C'est qu'au regard de cette situation. C'est pour ça qu'en fait, tu peux pas avoir une décision, toi, qui est bonne. Sur tu prends le championnat de l'Angleterre, tu dis évidemment les mecs qui doivent être champions. Tu prends notre championnat où il y a 2 points d'écart, tu dis ah, c'est compliqué. Complètement. Est-ce qu'il est question d'annuler complètement la situation ou non? Ils envisagent quand même une montée, une relégation dans tous les cas. Ben, des échos que j'avais, des bruits qui tournaient, c'était alors en France, apparemment, ils mettraient le premier champion et qui monte, le dernier descend. Ça serait apparemment la chose sûre, mais après, ils seront en train de voir ce qu'ils font. Parce que moi, par exemple, dans mon championnat, tu avais les 2 ou 3 derniers qui descendaient. Oui. Si tu as que le dernier qui descend, c'est-à-dire que les prochains, tu peux retrouver qu'un championnat à 12 ou 13. Donc, je ne sais pas comment ils vont. Ça, ils n'avaient pas statué sur ça encore. Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas de saison blanche. Le Gret ne veut pas de saison blanche, c'est ce qu'il a dit dès le départ. D'accord. En France, il n'y aura pas de saison blanche. Je sais qu'en Belgique, je crois, j'ai entendu, ils faisaient saison blanche, aucune montée, aucune descente. Mais nous, apparemment, il y aurait quand même. Il y aurait montée obligatoire. Il y en a qui disent qu'il n'y aurait peut-être pas de descente. Enfin, c'est pas évident. Ça a bizarre, de toute façon. Mais je pense que oui, là, de toute façon, ça va tomber parce que tu as les présidents de district qui commencent à. a demandé à la Fédé de se positionner une bonne fois pour tout, parce que bah, là, on arrive quand même déjà Au mois de mai. à mi-mai dans pas longtemps. À mi-avril, pardon, bientôt le mois de mai. Il va falloir prendre une décision et que, voilà, Voilà, on rigueur, sache même un petit si peu elle est comment il faut moins, s'adapter. même si c'est la moins mauvaise, au plus tôt tu connais la décision, au plus tôt tu peux t'adapter, comme par rapport à ce qu'ils ont fait Toute aux façon, Jeux Olympiques ou ce qu'ils ont fait exactement. dans les championnats Là, tu internationaux, vois, de toute façon, enfin, les championnats même si au d'Europe. début, moi, je pensais qu'ils allaient supprimer les coupes pour libérer des week-ends et qu'on maintiendrait le championnat, là, enfin, tous les éducateurs que je connais, on n'est pas un, deux, trois à se dire le championnat, il va reprendre. Là, c'est bon, on sait que le championnat, il va reprendre, c'est mort. Entre le temps de refaire une petite préparation physique, etc., etc., c'est pas possible. D'ailleurs, à propos Et des éducateurs, enfin, en ayant eu quelques conversations avec certains, je sais qu'il y en a qui sont dans des situations extrêmement précaires. Comment ça se passe dans votre club, par rapport à ça? Est-ce que vous êtes en train de perdre des éducateurs ou il y en a qui commencent à aller chercher ailleurs? Je sais pas. Je sais pas si la question est claire, mais. écoute, pas à ma connaissance. D'accord. À ma connaissance, pas du tout. On a la chance à Joinville d'être un club. Faut que ça se passe bien, quoi. Bah, enfin, t'as forcément des fois des petits coups de gueule, des petits accrochages, enfin, comme dans tout domaine où t'as de la passion, forcément t'as des fois des désaccords, etc. Mais t'as une équipe d'éducateurs qui aime être dans ce club. Donc j'en ai pas entendu dire. Je vois surtout sur les réseaux sociaux, toi, ce qui passe. Ils se partagent des. Alors évidemment, moi, ça fait 2 ans que. Ça va faire 2 ans que je suis au club. Mais les éducateurs un peu plus jeunes que moi et qui se connaissent depuis un moment, qui sont potes, tu vois qu'ils partagent des photos de eux avec les gamins à Joinville, etc. Ils ont hâte de reprendre. Mais il n'y en a pas. Je n'ai pas entendu. Ça. Par contre, pour les clubs, ce qui va être compliqué, c'est financièrement, parce que ça arrive en pleine saison des tournois où tu as justement une partie du budget qui se fait aussi grâce aux tournois Le budget que annuel, l'on ouais. organise tous les. Ah ouais, là ça va faire super mal. Est-ce que tu as des parents qui vont aussi demander à avoir un remboursement d'une partie de la licence? Est-ce que tu as payé pour septembre à fin juin et tu arrêtes début mars? Là, Oh, c'est je des pense que éléments niveau auxquels trésorerie, on. les clubs, ça va être très, très, très compliqué. Si tu fais 3, 4, 5 tournois dans l'année et que tu comptes dessus et que bah, finalement, t'as plus rien, ça peut être compliqué. C'est limite ces éléments-là qui m'intéressent le plus et j'avoue que on se rend pas compte, hein. On parle de résultats, on parle de compétition en ce moment, alors que effectivement il y a Là, l'aspect financièrement, c'est. associatif qui est à Ah. considérer et ouais, Bah, tu vois, comme tu j'ai dis. un sponsor que je devais récupérer, enfin, je devais récupérer l'argent. Et là, très sincèrement, je suis quasi persuadé que à la fin du confinement, quand je vais aller les revoir, ils vont me dire, écoute, on est fermé depuis 3 ou 4 mois, bah, finalement, non, on peut pas te donner l'argent prévu. Alors même si c'est pas 2 millions d'euros comme dans les clubs pro, tu vois, 2 500 euros, pour nous, Ouais, c'est c'est un peut-être 3 mois tarif déjà, quoi. de 3 mois de défraiement Ça. d'éducateur, ou peut-être C'est. Ah, enfin, c'est exactement, tu vois, énorme. c'est une grosse bouffée d'oxygène. Clairement. Et là, quand je vais les voir, à mon avis, ça va être un peu plus compliqué. Donc la saison prochaine, enfin là. Nous, on est juste sur nos séances, le manque de terrain, machin, mais je pense que les membres du bureau, la présidente, etc., là, quand ils font les comptes, ça doit se faire mal à la tête. Ouais, limite, le projet sportif peut être reconsidéré l'année prochaine, ouais, complètement. Ah, mais complètement. Complètement. Puis, t'as des éducateurs diplômés qui, peut-être, voudront pas voir, tu vois, à la baisse Bien sûr. Leur enveloppe, des trucs comme ça. Donc peut-être que tu as des éducateurs diplômés, bah, ça va les faire bouger de club. Je parle pas de chez nous, parce que chez nous ça m'étonnerait, mais ceux qui ont peut-être un peu moins d'attaches affectives, on va dire, dans un club, et qui sont là plus par démarche, on va dire, entre guillemets, pro, de monnayer à leur diplôme, bah, tu as peut-être des clubs qui vont se retrouver avec des éducateurs moins compétents, moins diplômés, moins formés. Et donc forcément, bah, le projet sportif derrière prend un coup Ouais, il faut d'emblée, quoi. le réadapter complètement. C'est clair. Bah Julien, c'était une petite introduction là. Généralement, je commence pas forcément comme ça, mais c'est extrêmement intéressant de toute façon parce que c'est contextuel. Donc, C'était l'actualité. ouais, donc ça fait partie du jeu et c'est extrêmement intéressant d'être inside. Moi, je suis vraiment pas dedans. Bah déjà, je suis content parce que le son fonctionne bien de mon côté. J'espère que c'est le cas de ton côté C'est aussi. nickel. Ok, Il n'y a aucun parfait. décalage, c'est parfait. Ça c'est génial. Je suis un petit peu excité là pour le coup parce que bah, comme je te l'ai mentionné, tu es la première personne que je n'ai jamais rencontrée avec laquelle j'ai un échange, donc c'est un peu particulier pour moi. Donc je vais apprendre d'une personne que je ne connais pas du tout. Et la première question que je pose, si j'aime, bah, peut-être que tu es déjà au courant, peut-être que tu as déjà eu l'occasion d'écouter peut-être une petite partie du premier échange que j'ai eu, c'est en Là, j'ai gros... écouté, ouais. Ouais, ok, bon, c'est cool. Il y a peut-être des gens qui vont écouter ce podcast, ou peut-être, enfin, il y a peut-être des gens qui te connaissent, ou peut-être des gens qui ne te connaissent pas. Et en gros, bah, c'est libre à toi. Est-ce que tu pourrais te présenter? Toujours la question la plus compliquée. Bah, les choses les plus simples. Julien Guyabert, j'ai bientôt 39 ans. J'ai commencé à être éducateur à 14 ans, en 95. Ça remonte. J'ai commencé à jouer au foot à l'âge de 8 ans. J'ai pas commencé. J'avoue que ça n'a pas été mon premier amour. C'était le tennis, mais je suis vite arrivé au foot. Je suis tombé dans le rôle d'éducateur un peu par hasard. Au début, c'est mon père qui était président du club, qui voulait que ce soit des jeunes du club qui soient éducateurs pour les plus petits, qui est une espèce de transmission des jeunes pour les jeunes, tout ça encadré par des adultes évidemment, et qui m'avait demandé à trois copains et à moi en début de saison, est-ce que ça vous dit d'être avec les petits pour voir? Bon, avec mes potes de l'époque, on a dit oui, puis c'était direct, j'ai pris autant de plaisir au début, et après, bah, je me suis rendu compte que je prenais plus de plaisir en étant éducateur que joueur. J'aurais jamais été un grand joueur de toute façon. Et bah, j'ai passé mes diplômes d'entraîneur dès que j'ai pu. Donc, nous à l'époque, à 16 ans, je crois, tu pouvais passer un diplôme qui s'appelait le jeune animateur technique. Donc, j'ai commencé par là, et après, à 18 ans, tu pouvais passer l'initiateur 1. Donc tous les 2 ans, bah, j'ai passé un diplôme initiateur 1, initiateur 2, animateur senior et brevet d'État. Et voilà, j'ai eu la chance de pouvoir grandir et évoluer dans un club enfin, qui s'appelle toujours le FC Joué-Moutier, où j'ai passé bah, de mes 8 ans jusqu'à mes 29 ans. Et j'ai fait une expérience un peu atypique par rapport à certains, je le conseille pas forcément, mais humainement c'était quelque chose de fort, c'est que j'ai entraîné une catégorie bah, des débutants jusqu'en senior. Donc j'ai entraîné toutes les catégories d'âge, sauf ce qu'on appelait à l'époque les moins de 15. Mais j'ai eu ces garçons ouais, de 6 à 26 ans à peu près dans ces eaux-là. Donc ça fait bizarre quand on débute, t'as des gamins qui sont au CP et qui à la fin viennent au foot en voiture, qui disent je peux pas ce soir, je suis à la fac, etc. Donc voilà, j'ai grandi avec ces joueurs-là, ça m'a enrichi énormément. J'ai ensuite été dans un autre club, le CO Vincennes, juste une saison, les 19, et c'est la seule fois où j'ai arrêté un an où en fait la question que je me posais c'est est-ce que je vais mettre entraîneur ou est-ce que je vais mettre entraîneur, mais dans mon club. Donc, c'était une question qui m'a fait bizarre parce que je me suis dit est-ce que j'aime vraiment ça ou est-ce que j'aimais juste être dans mon club de cœur, dans ma ville et c'est ça qui me fait vibrer. En fait, au bout d'un an, je me suis rendu compte que c'était vraiment le foot qui me manquait à mort. Et le hasard m'a amené dans le foot féminin par une relation et ça fait maintenant 5 ou 6 ans que je suis entraîneur de féminine où je m'épanouis complètement et maintenant, je ne me vois plus du tout aller dans le... retourner chez les garçons. Peut-être un jour chez les petits en école de foot, mais senior, etc., je ne me vois plus avec les garçons. Voilà, sinon, quoi dire, à côté, j'ai été animateur socioculturel, je suis à la base travailleur social, donc il y a un parallèle entre le, pour moi entre le rôle d'éducateur dans le foot et le travail social. Et voilà, c'était, on va dire, le fil conducteur. J'ai fait le pari, entre guillemets, de ne pas avoir un plan de carrière professionnelle, entre guillemets, ou ma carrière pro, clairement, est mis à dispo du foot. C'est-à-dire que je fais mon... je suis entraîneur. Mon emploi du temps d'entraîneur est ma priorité. Et à côté, ben, je m'adapte par rapport au boulot. Donc ben, aujourd'hui, je travaille plus dans le social. Je travaille dans l'automobile, un milieu que à la base, je connaissais absolument pas et qui m'intéressait pas plus que ça. Toujours pas trop non plus, d'ailleurs, aujourd'hui. Mais le seul but du jeu, c'est que ça puisse me payer les factures et me permettre d'aller aux entraînements et aux matchs. C'est la seule priorité. Donc pas d'évolution de carrière en perspective, etc., à niveau pro, du moment que je peux aller au foot, à l'entraînement et au match. C'est un peu radical et extrême comme concept pour certains, mais c'est mon équilibre, il est là-dedans. C'est à peu près tout pour faire une présentation un peu rapide. Merci Julien, je suis face à une montagne. Je redoutais la première fois où j'allais avoir un échange avec donc toi, lorsque la personne qui nous a mis en relation, donc Monsieur François Derien, m'a dit ton âge et ton parcours, et je me suis dit oulala, comment gérer autant de richesses? Là, je sais, donc j'ai déjà beaucoup de questions, je sais pas. Je sais qu'on n'aura pas le temps de tout aborder, donc je vais essayer de centrer là. Mais ouais, non, je suis face à une montagne. Je vais essayer de la gravir petit à petit. Parce qu'il y a plein de sujets, moi, qui me parlent par rapport aux questions qui m'intéressent beaucoup. On en a déjà discuté un peu, mais notamment sur le fait que tu es intervenu pendant longtemps dans le même club, notamment le fait que tu es entraîné, tu ne l'as pas mentionné, mais je vais le dire quand même. Parce que ça m'intéresse beaucoup que tu aies entraîné des seniors en ayant seulement 22 ou 23 ans, si je me souviens bien. Donc ça, c'est vu que j'ai vécu une expérience un peu similaire et que je me considère encore assez jeune, c'est extrêmement intéressant. Et puis les liens que tu fais qui me parlent beaucoup, notamment le fait que assez rapidement tu t'es dit que une carrière de joueur, ça allait peut-être pas être fait pour toi. Moi je me reconnais dans cette démarche, et aussi le fait d'associer ta vie en fait que le foot devienne le centre et qu'autour ça s'adapte, je me retrouve aussi là-dedans. Donc je suis heureux de me dire que je vais avoir chaque parcours est est unique, mais qu'il y a peut-être des choses qui peuvent se retrouver. Il y a peut-être des choses qui peuvent se retrouver. Déjà merci pour ta présentation. Et ce qui est bien, c'est que j'ai pas besoin de poser ma deuxième question, qui est généralement à quand remontent tes premiers souvenirs d'éducateur, parce que elle a déjà été spoilée. Ah ouais. donc génial, je pense qu'elle est. Elle en 95 est... sur un terrain stabilisé, horrible. Mon Dieu. Ok. En tant que éducateur. En tant que joueur. En tant que éducateur. Non, en tant que joueur, c'était en 89, sur le même terrain stable, horrible. Ok. Parce que c'est ce que je dis souvent à mes filles, là, c'est que je leur dis, vous voyez, vous parlez de OL synthétique, il n'est pas beau, machin et tout, à certains endroits. Chez nous, à l'époque, on jouait sur stabilisé, que j'avais toujours des traces sur les cuisses. C'est fou. Et quand on jouait sur un terrain en terre, des fois, on était content, en herbe, exceptionnel, mais des synthétiques, c'est froid. Là, je sais exactement ce que c'est. Pour être en Corée du Sud, là, et j'ai eu l'occasion de jouer sur un terrain en sable samedi, et justement, j'ai eu des petits souvenirs qui me sont remémorés, qui sont revenus. Juste pour, c'est pas une question que je souhaite aborder, mais pour remettre dans le contexte, le nom de ton premier club et où est-ce qu'il se situe avant d'arriver au CO de Vincennes, juste pour resituer, parce que déjà moi je ne sais pas, et pour que ça... Alors, c'est le football club de Jules Moutier. D'accord. C'est dans le 95, Ah, juste à d'accord. côté de Cergy-Pontoise. Ok, parfait, c'est bon, ça, c'était pour bien contextualiser. La première question qui me vient à l'esprit, c'est qu'est-ce qui te fait dire que tu vas pas avoir une grande carrière de joueur et enfin, comment vient l'idée et puis finalement, qu'est-ce qui te donne le goût de te plonger dans ce parcours d'éducateur? J'ai beaucoup joué, j'aime beaucoup beaucoup jouer encore aujourd'hui, mais très vite j'ai le corps qui m'a dit que ça c'est pas possible. D'accord. Alors c'est la fameuse excuse de je me suis fait les croisés, sinon j'aurais été joueur pro. Alors moi je me suis fait les croisés, mais j'aurais pas été joueur pro pour rejoindre François. Je me suis fait les J'ai jamais été blessé ni rien, je me suis fait les croisés à 16 ans. D'accord. Beaucoup de mal à récupérer, plus d'un an sans jouer, et après j'ai des cuisses, c'est des poteaux télégraphiques, si tu veux, j'ai deux poteaux à la place des cuisses, Par la ça a robustesse. pété après, ça a pété non-stop. Ah, Je me suis ok. claqué, déchiré après l'opération, chose toi j'avais jamais rien eu de musculaire avant, et voilà, j'ai eu claquage, Déséquilibre total. déchirure sur les ischios des deux côtés. D'accord. Jusqu'à toi, enfin ça nous en fait rire maintenant, mais des fois avec les filles, pour faire le nombre, une démonstration, un truc de l'opposition, je joue avec elles. Mi-décembre, je me suis déchiré l'ischio sur une combinaison justement avec François sur corner, François derrière en question. Donc lui, forcément, qui a bien rigolé, et je me suis désinséré l'ischio sur 5 cm, je me suis explosé. Voilà, j'ai les cuisses qui tenaient pas, Sur et quoi? Sur une prise d'appui, Bah sur, en fait, quand on était au, alors quand j'étais au CO Vincennes en tant qu'entraîneur, François était joueur. Oui. Et on avait, avec l'autre entraîneur, qui est l'entraîneur de l'équipe 1 de l'époque, on avait une combinaison sur le corner que j'ai expliqué aux filles, etc. Et donc, sur une opposition du mercredi, avec François, on joue dans la même équipe. Et je dis, vas-y, on fait la combinaison. J'accélère, machin, tac, et tu frappes. Une fois qu'il n'y a pas de problème. Ah, bon, j'accélère et bah, il n'a pas le temps de frapper, ça a pété avant. Mais. Non, là, j'ai. Alors, déjà, un, physiquement, je sais que mon corps n'était pas fait pour ça. D'accord. Et après, je pense que j'aurais pas eu le mental pour aller là-haut de toute façon. Techniquement, j'aurais pas non plus été assez fort, mais j'étais plus. Enfin, sur le terrain, en fait. Quand je me suis fait les croisés, à part le moment où j'étais à l'hosto et que j'avais pas le droit de sortir de chez moi, j'ai pas manqué ni un entraînement de mes gamins. J'allais faire mes séances d'entraînement en béquille. Et je refusais de manquer les séances d'entraînement et les matchs de mon équipe dans laquelle je jouais. Donc mon père, quand il était là, m'emmenait au stade, ce qui était pratique vu qu'il était président du club. Ça ne le gênait pas de venir au stade. Mais donc tout de suite, mes propres potes, je les ai vus d'un regard différent parce que je ne participais plus aux entraînements du mat. Mais j'étais sur banc de touche tous les dimanches avec mon entraîneur de l'époque. Ah, c'est Et donc ça intéressant, m'a déjà donné ouais. Exact. d'être plus compétiteur sur le banc de touche que ce que je pouvais l'être en tant que jeune éducateur. Parce que forcément, quand on entraîne les débutants, les poussins, enfin, comme ça qu'on appelait l'époque, t'es pas dans la recherche de la gaine. Oui. Même si évidemment, quand tu es entraîneur à 15 ans, t'as pas toutes ces notions pédagogiques de machin. Évidemment que le premier match que j'ai joué en tant qu'éducateur en débutant, pour moi c'est la finale de la Ligue des Champions et je voulais gagner absolument. J'avais pas le recul, etc. Mais là, le fait de me poser à 16 ans, 16 ans et demi sur le banc de touche et de voir tes potes et de pouvoir analyser comme eux pouvaient pas le faire, parce que déjà, j'étais déjà éducateur depuis quelques années, et surtout parce que moi j'avais l'œil extérieur. Donc ça m'a donné encore plus envie, je pense. Et après, quand je faisais mes formations d'éducateur, enfin, c'était des rencontres avec des mecs qui avaient joué. Je sais que quand j'ai passé l'animateur senior, j'ai passé une semaine, tu avais des gars qui jouaient à l'époque en national à l'Entente Saint-Lô-Saint-Gratien. Donc c'était des joueurs, c'était des monstres. mec, tu te disais waouh. Et tu faisais une séance d'entraînement, tu passais en PDA avec eux. C'était un régal. Et puis, tu avais des échanges qui étaient extraordinaires. Parce que moi, j'avais connu que mon club où on ne jouait pas au niveau. Et tu as des mecs qui débarquent de National, des mecs qui ont joué en D2, tu passes un diplôme d'entraîneur avec eux. Tu sais, ça parle foot. C'est des échanges qui sont enrichissants. Et tu te dis, ouais, en fait, jouer au foot, tu en as encore. Et tu vois encore aujourd'hui que ce sont des garçons et des filles qui viennent au foot, qui jouent au foot, en gros, 3 fois par semaine, ou 4 fois suivant le nombre d'entraînements, mais qui, en dehors de ça, c'est pas des joueurs de foot. Quand tu es éducateur, en fait, tu es éducateur tout le temps. Là, il n'y a pas un. Il Là, n'y a tu pas te un lèves, tu es moment de la éducateur, semaine, tu. ouais, t'es, Ben non. exact. La casquette, elle Tu es change éducateur. pas. Enfin, toi, tu as des mecs qui font de la guitare, et dans leur tête, ils sont tout le temps guitaristes. Tu Exact. as des mecs qui sont motards. Toi, je suis motard aussi. Mon grand frère, il est motard enfin, tout le temps. Moi, je suis éducateur de foot et c'est tout le temps. Je regarde un match de foot. Demain, on peut regarder un match de foot dans un pub tous les deux. Je vais voir une belle action. J'essaie de me noter l'action que je viens de voir pour essayer de le répéter à l'entraînement après. T'es éducateur, de toute façon. Et je me suis rendu compte que j'étais plus dans cette démarche-là d'être H24, en fait, dans un truc de foot. Pas juste de passionné à être fan de Liverpool, Paris, Marseille ou machin, mais d'être plus dans. Et ouais, t'es tout le temps éducateur. Bon, déjà, en tout cas, Parce en que tant que. Ouais. ça englobe tout, quoi. Ouais. En tout cas, en tant que passionné, il n'y a pas d'arrêt de travail. C'est ça. Toi, t'es. Ouais, c'est. Enfin, je me suis toujours dit, hein, si. C'est pas si je peux pas aller au travail, je vais pas au foot. C'est si je peux pas aller au foot. Le baromètre, il est en fait, si je peux pas aller au foot, bon, bah, je sais que je vais pas au taf. Parce que si je vais pas au foot, c'est que je suis. Voilà, je suis. C'est mort, quoi. Complètement inapte. C'est ça. Je comprends. C'est pas une question piège, mais c'est, je me demande quel regard tu as là-dessus. C'est pas une question piège par rapport, parce que je pense qu'il n'y a pas de mauvais choix, mais je serais content d'avoir ton avis maintenant avec ton regard, après plus de 20 ans d'expérience, lorsque ton père, qui est président du club, souhaite enseigner le foot des jeunes par les jeunes. Bah, je reprends un peu tes mots. Et quand on entend un peu régulièrement dire ouais, les plus jeunes, faut les faire entraîner par ou les faire encadrer par ceux qui ont le plus d'expérience, c'est quoi ton regard par rapport à ça, le fait qu'on mette des jeunes éducateurs pour entraîner les très jeunes enfants Mon regard il est un peu double. Le discours de faut mettre les éducateurs les plus expérimentés, les plus diplômés avec les tout petits. Ça, enfin, je l'entends depuis que j'ai passé mon premier diplôme à 16 ans. D'accord. Et c'est pour moi complètement utopique. OK. Parce que c'est très très rare qu'un mec qui probablement, tu vois, qui a galéré pour passer son brevet d'État, que ce soit financièrement ou moi physiquement, tu vois, j'ai galéré pour passer mon BE à l'époque. Ou clairement, je te le dis, on m'a recalé 3 fois des tests du brevet d'État parce que j'ai trop gros. Tu vois, j'avais pris du poids avec mes blessures. D'accord. Et OK. ils m'ont recalé texto parce que bah, j'étais trop lourd. Donc Fallait j'ai une meilleure galéré à condition mort. physique, c'est quoi? Fallait. Ah ouais, c'est ça, ouais. Bah, en fait, ils m'ont. Je... Quand tu passes ton. Enfin, à l'époque, quand tu passes ton brevet d'État, tu avais un test. D'entrée. Pratique, tu avais un test oral, tu avais un test écrit, et il fallait que tu aies 10 de moyenne, et sur chaque truc, si tu avais en dessous de 8, c'était note éliminatoire. Et les 3 fois en pratique, ils m'ont mis 6 D'accord. éliminatoire. Alors, je suis pas Zizou, tu vois, mais je peux jouer un peu au foot quand même. Notamment pour Mais cet aspect condition ils m'avaient physique. dit texto, t'es trop lourd. Ouais, t'es trop lourd. Alors que, bon, voilà, c'est leur façon de voir. Mais donc moi je faisais ça dans une démarche à l'époque de. Je n'étais pas très très vieux, parce que je devais avoir 27 ans dans ce là je pense. J'entraînais moi et mes seniors toujours à Jumoutier. Et donc moi, mon objectif du brevet d'État, c'était pas du tout d'aller entraîner les gamins à ce moment-là. C'était de continuer à être le plus performant possible en tant qu'entraîneur, être le meilleur possible avec mon équipe, et pourquoi pas un jour essayer d'aller entraîner plus haut. D'accord. Et jamais de la vie, une fois que j'ai galéré pour avoir mon brevet d'État, le président de l'époque, moi qui n'étais plus mon père quand même, mais le président de l'époque m'aurait dit, bah, Jules, tu viens d'avoir ton brevet d'État, maintenant tu retournes en débutant, je lui aurais dit, tu rigoles quoi. Parce que il dit ça, pour moi, entre guillemets, c'est vraiment. Alors, attention, il faut des mecs compétents pour entraîner les petits, parce que sinon, bah, forcément, tu n'as pas les bases. Mais jusqu'à preuve du contraire, les diplômes te permettent d'entraîner à chaque fois. Les barrières, c'est pour repousser le niveau. Toi, tu peux entraîner à tel niveau si tu as tel diplôme. Tu peux entraîner tel diplôme, telle division si tu as tel diplôme. Donc en fait, tu mets des barrières au niveau des divisions. Tu peux entraîner en R1 si tu as tel diplôme, en national si tu as tel diplôme, les filles en D2 si tu as tel diplôme. Et donc les gars, ils vont chercher des diplômes pour faire péter les barrières et aller chercher les divisions qu'ils veulent. Pas pour aller chercher en bas. C'est très très très très rare. C'est très rare. Ce qui est super, c'est si un gars peut faire les deux. Alors tu vois, moi aujourd'hui, Exact. si demain le club m'embauche et il me dit Julien, avec ton. Maintenant c'est plus le brevet d'état, avec ton BEF, tu gardes ton équipe senior féminine, mais on aimerait que tu sois sur l'école de foot avec les garçons ou les filles ou machin. Là, moi je me régalerais. Mais il faut pouvoir, tu vois. Moi je pense que professionnellement parlant, si je veux voir mon patron là, je lui dis écoute, bah déjà que quand tu veux que je bosse le samedi, je te dis toujours non parce que j'ai foot. Et que si là maintenant je te dis bah, que le mercredi je vais avec les enfants aussi, je pense qu'il me met un shoot. Donc c'est. Non, il y a Pour moi, c'est un hyper important chemin d'avoir unique, quelqu'un de compétent, mais de la façon dont ça a été amené depuis des années et des années, que les plus diplômés doivent être en bas, c'est pas vrai. Pas vrai. parce que ça On fait correspond pas les peut-être choses pas dans au ce sens-là, de toute contexte, façon. parce que Ouais. ouais. Ça correspond pas au contexte. Et il faut pas se leurrer. Très souvent, un mec qui vient d'avoir son diplôme d'entraîneur avec lequel il peut entraîner contre rémunération, bah justement, le mec, il va se faire. Si en plus il a payé son diplôme, bah il va essayer de récupérer un peu d'argent dessus, quoi. Et Est-ce c'est que pas en c'est... allant Ouais. entraîner les U6 que tu vas prendre de l'argent, c'est en entraînant les équipes, bah les seniors, les équipes premières des clubs, les équipes familles. Est-ce que c'était aussi bien inadapté au contexte actuel dans lequel tu es actuellement maintenant, mais aussi dans le contexte plus familial dans le club dans lequel tu as été pendant 20 ans? Pareil. C'est pareil. Pareil, ouais, parce que Ouais. l'entraîneur le plus diplômé, moi, à l'époque, quand je parle, quand j'étais jeune éducateur, c'était l'entraîneur, c'était le seul brevet d'état qu'on avait du club. Il entraînait la première. D'accord. Après, mon père l'avait mis directeur technique. Donc ça, c'était pas mal parce qu'il avait été. C'est lui qui. C'était mon premier formateur, en fait. Alain Bâclé. Ça a été mon premier formateur avant même que je passe mes diplômes d'entraîneur. Donc c'est bien, c'est que là, tu avais une vraie transmission. Il s'occupait pas des enfants. Lui-même, mais il s'occupait de nous avec une discipline, il blaguait pas. Et donc voilà, on avait un peu de lui qu'on redonnait aux enfants. Et on avait, de toute façon, on était. Alors moi, j'étais chapeauté par une. C'est marrant parce que tu vois, maintenant, je suis en train des féminines. Et à l'époque, elle s'appelait Anne Béliard. C'était ma dirigeante, mais qui était joueuse de foot et éducatrice aussi. J'avais son fils en tant que joueur. Et à chaque catégorie, de toute façon, était encadré par un adulte footeux. Toi, c'était pas juste un parent lambda qui utilisait une licence de dirigeant, qui avait aucune connaissance. Ils avaient quand même des connaissances dans le foot, dans la pratique. Elle-même, à l'époque, je crois, elle avait passé un diplôme d'entraîneur. Mais clairement, non, c'était pas les plus diplômés. Pour reprendre le début de ta question de les jeunes pour les jeunes, oui, mais ça dépend où et ça dépend avec qui. Parce que si tu mets n'importe quel jeune, toi qui n'as pas bien la tête sur les épaules, qui voit pas la priorité du truc et l'importance qu'il a avec les enfants, si tu vois que le jeune à 15-16 ans, il préfère regarder sa copine qui est sur le côté plutôt que de s'occuper des gamins. Ou qui n'est pas exemplaire, qui arrive avec sa clope soit au bord du terrain ou avec les écouteurs ou machin, c'est pas possible. Après, très jeune, moi je pense pas, toi, à la place de mon père avec le recul, j'avais 14 ans, je pense que c'est super super jeune. Je suis pas sûr que moi, prison, je prendrais le risque. C'est trop Ça fait jeune? vraiment très jeune. D'accord. Bah, ça fait très jeune, tu peux tomber sur quelqu'un qui va tomber, tu vois, coup de foudre pour la fonction. Moi, je sais que je suis tombé fou amoureux de ce rôle-là. Parce qu'il faut la trouver, Mais hein, t'es aussi. faut la trouver, hein, l'intérêt justement Ah, mais grave. pour Toi, au se mois de février, il faut désintéresser pouvoir y aller le du mercredi. terrain Le mercredi, mercredi après-midi, quand t'as les copains qui disent Ouais, c'est on va ça. au ciné avec nos copines, tu viens, tu dis bah non, moi je vais à l'entraînement. au mois de février que le terrain stable il est bien bien dur. Il faut y aller avec les petits sur le terrain. Ouais. Mais ça fait jeune, mais après, moi je sais que ça m'a formé un truc de malade, que ce soit enfin, toi, t'es perso, dans la vie aussi. Éducateur, ouais. C'est, ah oui, c'est extraordinaire. Ouais. Toi là, on parlait au tout début du contexte en ce moment, le virus, etc. Forcément, qui dit virus, il dit pas de travail en ce moment, donc beaucoup de temps libre. On passe sur les réseaux, etc., un peu plus de temps que d'habitude. Je me suis mis sur les réseaux sociaux très, très, très tardivement. Et bah, j'ai mon premier gardien en 95 qui m'a retrouvé sur Facebook. Donc là, si tu veux, tu prends une petite tarte. Parce que tu te dis que c'était un gamin, mais il a 31 ans maintenant. Ça fait mal à la tête. Et je me dis, non, toi, après, avec des échanges avec mes anciens joueurs, avec François que tu connais, que j'ai pas eu très très longtemps, mais le fait d'avoir eu ce rôle-là éducatif avec ces joueurs-là, et j'avais pas un énorme écart d'âge, même si quand t'as 6 ans, un garçon de 14 ans pour toi, il est hyper grand, moi j'avais tout ça, bah, tu te rends compte que finalement pas tant que ça, Mais ça m'a permis une certaine proximité entre guillemets, tout en ayant l'appui d'un adulte au-dessus, et ça c'était. Je pense que c'est très très formateur pour tout le monde, que ce soit pour l'adulte, pour le jeune éducateur et pour les enfants, c'est pas mal aussi. Ouais, à ce moment-là, ces grands, ces responsables de catégorie, notamment le directeur technique que tu as mentionné, à ce moment-là, ils n'entraînent plus ou non, ils occupent plusieurs fonctions, ils entraînent une fonction d'entraîneur et puis une fonction d'encadrant. À cette époque-là, quand il est devenu directeur technique, il avait lâché l'équipe première de mémoire. Ah, quand même, d'accord. Il avait un adjoint, mon grand frère avait été son adjoint sur les petites. Je suis devenu directeur technique du club. J'avais gardé mon équipe. Mais malheureusement, tu ne peux pas le faire. Toi, je venais de sortir de. Je venais de faire mes études. Et j'avais décidé, pendant un an, vu que j'avais la chance de pouvoir vivre chez mes parents, pendant un an, j'avais décidé de pas bosser, mais de faire que le foot. Donc, j'avais. Mon entraînement de l'équipe senior. Et à côté, bah, j'avais responsable technique des débutants jusqu'au moins de 13. Et donc, bah, j'étais au foot tous les jours. Mais pour pouvoir faire ça, là, il te faut du temps. Bien sûr. Ouais. Il te faut du temps et de l'énergie à revendre parce que bah, tu passes du lundi au dimanche, tous les entraînements, tous les matchs, tu y es quasiment. Et ouais, puis finalement, quand ça se termine, tu te rends compte que c'est une opportunité incroyable et que ça ne s'est pas représenté de nombreuses fois, mais que finalement, avec le recul, c'est extrêmement formateur. Ah, c'est exceptionnel. Exceptionnel, c'est à ce moment-là où j'ai organisé mon stage que je t'avais parlé pour les vacances de Pâques. Mais pareil, ça, tu vois, c'était un boulot en amont qui était phénoménal pour trouver... Alors déjà, un, faire un programme technique qui soit cohérent et qui soit de qualité, de trouver le fournisseur qui nous donne, parce qu'on était parti sur un délire de, ça va peut-être pas te parler, mais à l'époque c'était 100 euros, on voulait faire 100 euros la semaine, mais sur les 100 euros de la semaine, les enfants devaient être équipés de la tête aux pieds, plusieurs tenues, la cantine de payer, la piscine de payer, tout de A à Z avec du matériel neuf sans que le club se fasse 1 euro de bénéfice. Sacré objectif. Pour avoir tout ça pour 100 euros par gamin, le fournisseur, on lui a fait mal à la tête. C'était des. Hein, on y passait nos après-midi entières, aller démarcher, que ce soit Décathlon, un grossiste, un machin, un truc, c'était un taf de fou. Mais alors, par contre, oui, formation, c'était formation accélérée. T'apprends sur le tas et là, c'est énorme. L'école de la vie par l'expérience. C'est extraordinaire. Et justement, là, sur ton parcours, donc, tu l'as mentionné durant ta présentation, à un moment donné, tu as dit « je ne le recommande pas forcément ». Donc, si j'ai bien compris, tu as entraîné pendant plusieurs années, quasiment entraîné les mêmes jeunes, c'est ça ? Et alors, t'en as qui... Il y en a certains qui changeaient de club entre temps, qui revenaient après, qui ont pu être en équipe 1 quand j'avais l'équipe B, ou alors, mais j'ai suivi une génération de débutants en senior. D'accord. Donc, c'est quoi, trois générations à peu près, on va dire? Ouais, à peu près. Sur trois années d'âge, à peu près, c'est ça que je veux dire? J'ai fait deux ans débutant, deux ans en poussin, deux ans en benjamin, deux ans en moins de 13. Moins de 15, j'ai pas fait à ce moment-là et j'étais déjà directeur technique adjoint. Après, je suis retourné, j'ai repris en moins de 17 quand eux sont arrivés en moins de 17. Et un an, j'ai pu être entraîneur pour être que directeur technique. Et après, ben, j'ai repris les seniors quand ils sont arrivés en senior. Donc, j'ai vraiment suivi. Alors, t'en as qui n'étaient pas là dès le début en débutant, mais t'en as par exemple, Bien j'avais sûr, mon gardien des Benjamins, que c'était mon gardien après en senior. ok, non, Donc, ça c'est va, une génération c'est que. ouais, c'est fou là. Pourquoi tu ne le recommandes pas forcément? C'est quoi les intérêts et les avantages de ce parcours? Les avantages, c'est que humainement, ça n'a pas de prix. Je pourrais t'en parler pendant 8 jours d'affilée non-stop. Enfin, ça n'a pas de prix. Quand un gamin dit, ouais, je me rappelle quand t'as fait ça, ça, ça, ça, ça. C'est vrai que j'aurais pu faire des conneries, mais bon, t'étais là, donc il y avait une telle. Enfin, tu dépasses le cadre du foot. Ouais, les parents, à force, ils me connaissaient plus qu'un simple éducateur d'un club lambda, entre guillemets. Très vite, toi, je me suis intéressé à ce qui se passait au-delà du foot. Vu que, bah, forcément, tu tisses des liens avec tes joueurs. Et quand ça fait 5, 10, 15 ans qu'ils entraînent, les liens, forcément, deviennent importants. Et dès que je suis arrivé en moins de 13, je crois, entraîneur en moins de 13, où tu as les gamins qui commencent à rentrer un petit peu dans la crise d'ado, pré-ado, etc. Il a fallu un peu plus s'affirmer, etc. Et ça m'est arrivé pas mal de fois de dire à des mecs, bah, samedi tu joues pas. Pourquoi? Bah, parce que je sais que ton bulletin il est arrivé, ta mère m'a dit, ton bulletin il est pourri, tu joues pas, c'est bon. De faire passer l'école avant. Si j'avais été éducateur dans le club depuis juste un an, sans avoir la relation de confiance que j'avais avec les parents, parce que j'étais pas si vieux que ça, tu vois. Eux, ils avaient 13 ans, je devais avoir 19 ans, un truc comme ça. Donc, j'étais pas non plus un papa avec un recul de fou, mais j'avais gagné Cette cette légitimité là. crédibilité. Ah ouais, et donc, c'est les gamins, t'en as certains, ils devaient me ramener leur bulletin scolaire à chaque trimestre pour savoir comment ça allait. Des parents qui savaient que, en ce moment, avec leur gamin, c'était un peu chaud, machin, parce qu'il y avait le petit intel qui voulait traîner avec lui, et que c'était pas enfin, les meilleures recommandations, etc. On avait ce côté-là qui était hyper intéressant. Puis après, en grandissant, tu les aides à affronter d'autres trucs, les choix d'orientation scolaire, etc., à les aider à choisir. Puis un jour, tu te retrouves à ton mariage et tu te rends compte qu'à ton mariage, bah, tu as une partie de tes joueurs qui sont là. C'est un truc de malade. Comment est-ce que alors, je sais pas comment poser la question, mais elle me semble, enfin, elle m'intéresse. Est-ce que au niveau de la distance, est-ce que tu t'en es préoccupé? Est-ce qu'il faut garder une distance? Est-ce que non? Est-ce que comment ça se passe? C'est quoi le risque Alors, justement de ne pas garder une distance avec ses joueurs? ça a été. Il y a eu plusieurs phases. Quand j'étais jusqu'à ce que j'entraîne les moins de 17, j'étais plus âgé qu'eux, donc la distance a été naturelle. Il n'y avait pas, tu vois, j'avais pas de copains, entre guillemets, dans l'équipe. C'était des gamins que j'adorais, mais c'était pas mes potes. D'accord. Là où ça a été plus C'est déjà compliqué, assez c'est quand fort, je je suis trouve, arrivé hein, en parce senior. que t'es jeune et c'est un recul. Enfin, c'est pas évident, je trouve, de garder cette distance, même quand on est jeune, hein, même quand ils sont jeunes, je veux dire. Ce qu'il y a, c'est que ils savaient que, enfin, moi j'étais là pour le foot. Après, toi, moi je les adorais, mais moi ils savaient, viens pas au foot si c'est pour ruiner ma passion, parce que si tu ruines ma passion, c'est pas. Moi je viens parce que je kiffe. Si tu viens juste pour être avec tes potes et faire n'importe quoi, etc. Avant toi, si tu restes chez toi, enfin, dis à tes parents, soit tu viens pas. Mais moi, être entraîneur, c'est ma passion. Je viens pas ruiner ma passion, parce que moi, je veux pas ruiner la tienne. Donc, quand t'en as un qui vient en crise d'ado, machin et tout, moi, non, je pouvais être aussi très con et éviter de leur faire après, parce qu'ils voyaient que ça m'agaçait un peu. Mais j'ai pas eu N'hésite pas, hein, pas s'il y a de des bonnes soucis anecdotes de. à raconter, n'hésite pas. Hein. Bah, t'es testé, forcément, toi, quand t'entraînes les moins de Oui, bien 17. sûr. Premier match amical qu'on fait. Là, je suis jeune pour des moins de 17 quand même, parce que j'ai à peine 20 ans, 20-21 ans. Donc c'est là où la distance, justement, elle est difficile à garder, là, à ce moment-là. Ben, là, je ne suis pas pote avec eux, parce qu'on a une génération d'écart quand même, tu vois, par rapport au collège, lycée, etc. Mais c'est là où ils veulent... C'est là où la première fois, ils ont voulu s'affirmer. En tant que toi, je suis un bonhomme. Et vu que moi, je n'étais pas un papa, toi, j'avais pas 35, 40, 50 ans, j'avais pas le respect, on va dire, d'office, comme je pouvais avoir avec les tout-petits, vu qu'il y avait un très gros écart d'âge, entre guillemets. Vu que j'avais sauté la catégorie des moins de 15, à me retrouver en moins de 17, c'est la première fois où moi, je me suis fait tester par les joueurs, enfin, par certains joueurs. Et premier match amical, on fait un match A contre B en moins de 17. Moi, j'ai l'équipe B. Ils nous font un arbitre. Mon père dit bah, vas-y, je vais vous faire l'arbitre de centre sur notre magnifique terrain stabilisé d'époque. Et je me rappelle, j'ai un de mes joueurs. Alors, premier clash très très fort ce jour-là, Souleymane, je me rappelle. Et c'était la mode de mettre le short, c'est la moitié des fesses. Ça faisait un peu bien, ça faisait la moitié américain là. Le short un peu mis comme un basketteur. Et donc mon père, tu vois, un peu à l'ancienne, il dit par contre, ton short. Et il l'envoie chier direct. Je fais, ah là, ça va pas être possible. Pas parce que c'était mon père, mais parce que déjà, enfin, parle pas comme ça à un ancien, entre guillemets, puis à un arbitre, puis, puis non, oublie. Donc j'y vais. Il me fait, wesh. Là, autre mauvais point. Je remonte ton short, parce que enfin, t'as un carnaval ou je sais pas, non. Je commence à s'embrouiller, et c'était le meilleur joueur de mon équipe. C'était un petit attaquant super fort. Oh non, vas-y, moi le short, je le mets comme ça, je suis ok. Il sort. Passe ton short à un tel, de toute façon, t'as plus besoin de short, tu joues plus, vestiaire, terminé. Ça avait été un clash. Les autres se sont dit, putain, mais en fait, il blague pas. Et ce gamin-là, à la fin, c'était une histoire d'amour avec ce jeune. C'était énorme. J'ai entraîné lui, j'ai entraîné son petit frère, son papa. Venait au foot après, on avait des longs échanges avec lui, c'était extraordinaire. Et pourtant, ça avait commencé avec un clash monumental où, au bout de 5 minutes sur le terrain, je lui dis, hop, tu sors. Ouais, je pense que c'est. Ici, c'est moi qui commande. Si tu crois que tu fais ce que tu veux, retourne au quartier, c'est mort. Parfois, les plus belles relations peuvent commencer par des relations conflictuelles. Hein, c'est... Ah, ça avait été cash. Et son papa, après, pauvre, dans la tradition africaine, au Mali, il venait toujours très classe avec les tenues traditionnelles. On passait des heures à parler de ses enfants, machin. C'était extraordinaire. Extraordinaire. Mais là où j'ai dû mettre une vraie barrière, c'est quand je suis arrivé en senior, parce que je me suis retrouvé avec des mecs, un qui était plus vieux que moi pour la première fois, qui avait joué avec mon grand frère, pour certains, qui me connaissait en étant le petit du club, parce qu'il était senior, comme moi j'étais moins de 13. Donc j'étais le petit qui venait voir les matchs des seniors. D'un seul coup, je suis leur entraîneur. Et c'est un certain, j'étais 3 ans avant, j'étais en terminale avec eux. C'était des mecs qui sortaient le samedi soir, des trucs comme ça, je sortais avec eux. Et du moment que j'étais leur entraîneur, je suis plus sorti une seule fois avec eux. C'était terminé. Ah là, il y a une distance qui est obligée d'être opérée là, tu l'as senti? Ouais. D'accord. Ouais, parce qu'il fallait que je marque mon autorité et tu peux pas, entre guillemets, enfin moi je le sentais comme ça à ce moment-là. Ouais, ok. Par rapport à mon âge, je pouvais pas me permettre d'aller faire la chouille en boîte de nuit le samedi soir avec mes potes. Pourtant c'est quelque chose qui peut s'envisager, mais là, pas de... Moi je me suis sacrifié plusieurs fois sur ça. Mais parce que mon plaisir je le prenais différemment. Toi, quand je voyais des fois un de mes joueurs arriver avec les petits yeux le dimanche... On joue à 13h, t'arrives avec les yeux que si t'appuies dessus, t'as encore de l'alcool qui coule. Tu te dis, toi, j'aurais pu être avec lui en fait hier soir. On va faire la fête, les copains, les copines, machin. Mais non. Dès le départ, j'ai voulu. Pour moi, c'était une évidence qu'il fallait que je sois le plus exemplaire de tous. Et comment c'est interprété par les joueurs, ça, à ce moment-là, par justement ces personnes qui pouvaient être des relations très proches? Comment? Les anciens, ils l'ont très bien pris. Ils ont compris que moi, j'étais là parce que, un, j'étais amoureux de mon club. Alors, tu vois, entre guillemets, j'exagère de temps en temps un peu à la Giroud. Tu vois, c'était mon rêve de faire Giroud, de prendre mon équipe. À l'époque, on jouait en excellence, district. Et mon rêve, c'était voilà, de réussir à monter le club le plus haut possible. J'y suis depuis que j'ai 8 ans, mon père était président, mon frère y a joué, etc. À chaque époque, son Et je modèle. voulais emmener. Ah non, mais ça, tu vois, moi, c'était mon rêve. Enfin, j'ai toujours dit, hein, c'était. Quand j'étais jeune éducateur, ça paraît bizarre, mais un de mes rêves, c'était d'entraîner Jules Boutier, enfin, mon club, d'entraîner la première. Quand j'allais les voir le dimanche après-midi, je trouvais que c'était ouf. Je me disais, waouh! En fait, non, toi, c'est un niveau bidon. Mais moi, c'est un de mes rêves. Et après, réussir à monter avec eux. Bon, après, malheureusement, tu as le rêve et la réalité qui reviennent après. Mais moi, je me suis donné toutes les chances de mon côté. Donc, les plus anciens l'ont compris. Ceux de mon âge m'ont dit, vas-y, Jules, on va boire un verre ce soir. Et quand je leur dis, bah non, les gars, non. Au début, c'était, ouais, vas-y, tu fais chier, viens quand même, machin. Mais après, très vite, ils l'ont compris, ils l'ont accepté. Et Sans que ce après, soit on avait. conflictuel. Ouais, voilà, c'était. Alors après, j'ai eu des clashs, hein. Je Ah, me d'accord. rappelle, Ouais. mon autre anecdote, s'il écoute le podcast, je lui dirais d'écouter à la bonne minute Christophe Luc, qui a été très très très très bon joueur au PSG en jeune, très bon joueur. On était ensemble au lycée, élève, on dira relativement perturbant à l'époque. Et on était très potes, relation fraternelle, etc. Je deviens son entraîneur, donc relation fraternelle disparaît parce que bah, je suis ton entraîneur, donc stop. Il revient jouer à Jules Moutier, etc. On est quand même très très proches. On est en 2009. Je me marie en 2009, de mémoire. Christophe fait partie de mes témoins de mariage. Et ça doit être 3 semaines, 3 ou 4 semaines avant le mariage, je crois. On a un match de coupe, on mène 3-0 à la mi-temps. Je le fais jouer milieu droit ce match-là, je m'en souviens très bien. Il joue milieu droit ce match-là, poste qui est pas son poste de prédilection. On mène 3-0, donc on fait un match plutôt pas mal. Je suis content. On rentre au vestiaire et entre le terrain et le vestiaire, sur le chemin, il vient me voir. Il me dit, ouais, plus jamais tu me fais jouer à droite, tu touches plus un ballon, c'est quoi ce bordel? Et là, il me pète une pile parce qu'il touche pas de ballon, qu'il se fait chier, qu'il se sacrifie pour l'équipe, machin. On rentre au vestiaire, il fait une chaleur de fou, je mets tout le monde assis dans les douches. Et je le regarde, je fais enlève ton brassard, enlève ton maillot, change-toi et dégage. Il fait quoi? Tu t'es pris pour qui à venir l'équipe a joué bien, on mène 3-0 à la mi-temps. Et tu viens, tu me parles comme ça, je fais tu t'es pris pour qui? Je fais c'est hors de question. En plus, t'es capitaine. Donc, bah, écoute, tu veux pas faire. T'as dit que plus jamais tu voudras jouer à droite, il n'y a pas de problème. Là, pour l'instant, plus jamais tu joueras. Donc, pose tes affaires. Donne le brassard à Damien. Et rentre chez toi parce que je veux même pas de toi sur le banc de touche en deuxième mi-temps. Là, je veux À plus ce de toi. moment-là, la scène se déroule devant tout le monde. Ah, devant tout le monde, t'as tout le monde qui est assis en rond, entre guillemets, sous les douches, contre les murs. Moi qui suis debout, je lui dis, tu prends tes affaires, tu pars. Donc bah là, tout le monde sait la relation que j'ai avec lui. Toi, c'est avec le collège, tout le monde sait que ça sera mon témoin de mariage dans un mois. Et je lui dis, dégage. Mais à ce moment-là, qu'il soit mon témoin de mariage ou pas, j'en ai rien à foutre. Mais alors, mais rien à foutre du tout. Parce que moi, je savais faire la part des choses à 200%. Je pouvais lui dire ça le dimanche à 15 h dans le vestiaire. Et pour autant, le lundi, il appelait pour dire, au fait, par rapport au mariage, c'est comme ci ou comme ça. Il n'y a pas de problème. Voilà, Moi, je pouvais vraiment faire la part des choses, ouais, tu n'as mais pas du j'avais tout voulu. associé l'émotion et la raison, là, Non, t'as... pas du tout. Moi, j'étais capable vraiment de faire la part des choses à 200%, mais j'avais voulu faire mettre de la distance avec les autres parce que je n'étais pas sûr que mes potes soient capables de faire la différence. D'accord. Et résultat, le lendemain, il est venu à l'entraînement en s'excusant et l'histoire a été arrêtée. Je l'ai quand même pris lui. Et les deux vice-capitaines, j'aurais dit voilà, enfin hier c'était toi le capitaine, t'as eu telle réaction, on prend décision ensemble, qu'est-ce qu'on fait du brassard? Est-ce que vous voulez qu'on lui laisse ou est-ce qu'on change et un des vice-capitaines devient capitaine? Là, vous étiez quatre, là, à ce moment-là. Non, on était quatre. D'accord, ok. Et ils ont dit non, voilà, il s'est excusé auprès du groupe, voilà, il était frustré parce que c'était un bon joueur de ballon et que bah, bon joueur de ballon, si t'as pas de ballon, bah, en gros, tu fais de l'athlétisme. Donc sa frustration était compréhensible, il l'avait juste très mal exprimé, et donc les mecs n'ont pas tenu rigueur. Et 3 semaines après, on gagnait la coupe du 95, mais qui est ouverte que jusqu'en excellence à cette époque-là, 95 plus. On gagnait la coupe ensemble, et bah, un mois après, c'était le mariage. Dis-moi, parce que c'est vrai que de toute façon je veux forcément aborder, j'ai laissé parce que ça m'intéressait, mais d'aborder cette expérience justement en tant que jeune entraîneur. Mais avant juste de revenir sur ça, parce qu'il y a une question que je ne voudrais pas oublier, c'est quel est l'inconvénient aussi de suivre ces joueurs pendant aussi longtemps? Justement, quel est l'inconvénient? Et il y a une question sous-jacente à celle-ci, c'est quand ça se passe mal avec un joueur et que. Peut-être que c'est jamais arrivé, hein, peut-être, je sais pas, peut-être que c'est jamais arrivé, mais il est possible que ce soit arrivé. Mais un joueur que tu entraînes durant plusieurs années, quand ça se passe mal, comment ça se passe pour l'éducateur, pour toi, pour l'entraîneur, pour continuer à le garder dans ton groupe et lui pour continuer à s'investir dans cette génération-là? Alors l'inconvénient, c'est que les gamins vont manquer de discours différents. Bien sûr, oui. Et donc ça peut être un manque d'enrichissement personnel pour eux. Je pense que c'est bien pour les gamins de changer de discours, de méthode de travail, même si tu peux avoir la même ligne directrice et les mêmes principes fondamentaux. Je pense que c'est bien quand même d'avoir des... À un moment donné, je me dis, même si j'essayais toujours de me redoubler, de me redoubler, de me redoubler, je me dis, à un moment donné, les gamins, ils te connaissent par cœur. Alors même, évidemment, si en moins de 13, je faisais pas les mêmes entraînements qu'en senior, tu te dis, ouais, à un moment donné, ils savent très bien ce qui va m'énerver, ce qui va me faire rire, ce qui va me faire plaisir, sur quoi je vais être pointilleux. Et Même pour encore l'entraîneur, maintenant, ça peut avec le être aussi. recul que tu as là, hein, tu en es Ah oui. convaincu. Ah oui. Là, tu vois, ça fait 5 ou 6 ans que j'entraîne les féminines. T'en as certaines, ça fait 5 ans que je les entraîne. Elles me connaissent. À force, elles me connaissent. On en parlera Même si après tu sais justement de qu'il n'y aura pas l'expérience deux séances qui féminine. soient pareilles. Et pour l'éducateur, d'avoir la même génération, ça peut être aussi pour certains une solution de facilité. T'as pas besoin de. Entre guillemets, t'as presque plus besoin de faire tes preuves comme à chaque rentrée des classes. Une Parce que les question de gamins, ils te connaissent confort et ils t'ont là. accepté. Ah ouais, là, t'es dans le confort à mort. Moi, c'était une situation confortable. À la limite, toi, quand t'avais un gamin qui arrivait au foot, un nouveau, de toute façon, il était obligé de se plier, entre guillemets, à ce que l'éducateur y mettait en place, parce que les autres gamins le validaient déjà. Donc, c'était Comment ça hyper se passe s'il y en confortable. a un qui valide pas? Comment ça se passe? Est-ce que c'est on essaie enfin est-ce que tu essaies quand même de l'intégrer? Est-ce que finalement la notion de conflit comme j'imagine qu'avec tous les ton groupe là de 18 à 20 22 23 joueurs s'il y a une relation qui est conflictuelle, est-ce que finalement avec le temps elle se calme ou finalement c'est le joueur qui doit Ça s'est quitter calmé ou il doit s'adapter? comme je te donnais l'exemple tout à l'heure de Souleymane, où lui au début il n'a pas du tout voulu rentrer dans le cadre, où mon côté strict et lui plaisait pas. Le problème c'est que l'entraîneur de la une était aussi strict que moi et plus âgé que moi. Et après le fait j'avais déjà la fibre tu vois, de travailleur social, même si j'avais pas encore fait mes études. Mais j'étais déjà dans le relationnel, etc. Donc le truc s'est aplani et il n'y a pas eu de soucis. Après, ceux qui. Le conflit, ça c'était pas sur le foot, en fait, c'était sur le comportement en général. Bien sûr, c'est l'aspect humain. Où, ouais, c'était le comportement, des fois sur le terrain, qui ne nous plaisait pas. Parce que, bagarreur ou machin ou truc, ce qui pouvait ne pas nous plaire, c'était le comportement dehors du terrain. Tu arrives au stade en faisant n'importe quoi ou tu repars en faisant n'importe quoi, etc. Ça ne nous plaisait pas. Donc, tu en as certains, ouais, on leur a dit, bah, stop. Il y a des règles, il y a un cadre. Soit tu acceptes, soit tu n'acceptes pas. Le tout, c'est, voilà, tu fais un choix et derrière, tu assumes. Soit tu dis, j'accepte le cadre. Et à ce moment-là, si à chaque fois que tu sors du cadre, bah, tu sais qu'on est là pour te reprendre de volée. Par contre, si tu dis, j'accepte pas le cadre, bonne continuation, au revoir, mais après, on va pas te plaindre. Et bah, t'en as, oui, t'en as qui n'ont pas continué le foot parce qu'ils préféraient voilà, traîner avec les copines, aller fumer des pets et compagnie. Donc on leur a dit, bah, stop. Nous, il est hors de question que tu arrives au stade en fumant tempête. C'est con, mais non. Donc, bah, ciao. Après, c'est des gamins que tu peux recroiser dans la rue et il n'y a pas de problème Ouais. du tout avec. C'était moyen cadre, soit tu y es, soit tu n'y es pas. Et après, ça, c'est un truc que j'ai toujours dit, même quand je travaillais débutant, c'est la vie est faite de choix, le tout, c'est de les assumer. T'es libre de tes choix. Après, va pas chialer parce que. Ah ouais, mais Julien, il est dur, machin. Non, moi, la règle du jeu, elle est donnée dès septembre ou dès août, là, avec les grands. Le cadre, il est donné. Donc, si tu acceptes, il n'y a pas pleurer au mois de mars que c'est dur ou machin. Attends, à la limite, fin juin, que la saison soit terminée. Mais pendant la saison, il n'y a pas de surprise. Tu sais comment ça va se passer. Donc, à partir de là, si tu as choisi de suivre le cadre, voilà. D'ailleurs, parlons-en un peu. Parlons-en un peu du cadre, parlons-en un peu de cette saison. Donc, si je me souviens bien, si je ne dis pas de bêtises, tu pourras me reprendre si c'est le cas. Tu as 22, 23 ans, tu te lances dans le projet de prendre une équipe senior. Comment ça se passe? Tu es au mois d'août, tu es au mois de septembre. Bah, j'imagine que tu apprends que tu vas te lancer dans ce projet probablement à la fin de la saison précédente ou bah, c'est durant l'intersaison. Comment ça se passe? Tu as 22, 23 ans, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les premières choses que tu mets en place? Donc j'ai bien compris là, notamment cette notion de distance par rapport au groupe, cette notion bah, c'est ça, de chercher bah, à établir une nouvelle relation avec les joueurs que tu connais ou que tu ne connais pas forcément, même si tu es dans un climat quand même assez confortable, parce que c'est un club que tu connais depuis un petit moment, mais... En gros, ouais, comment ça se passe? Comment t'abordes cette saison? Quelles sont les choses que tu mets en place? Quelles sont les premières réflexions que tu te fais part? Est-ce que tu abordes notamment le fait que tu vas encadrer, entraîner des joueurs qui vont avoir peut-être un niveau supérieur au tien, mais c'est pas là où ça m'intéresse le plus, mais surtout un âge, comment dire, des personnes plus âgées qui ont peut-être un peu plus d'expérience en termes de foot et en termes de vie que toi? T'en as qui avaient la trentaine, ouais, donc ça fait bizarre. Mais j'ai en fait, c'était la suite de ma dernière année de joueur en senior. J'ai fait après juste une année enfin, quelques mois en CDM histoire de m'amuser. Et stop, mais en fait, j'étais joueur en réserve sur ma dernière année de foot. L'entraîneur à l'époque qui était en place pour moi faisait. C'était un monsieur très très gentil, mais qui n'était pas à sa place. Ça aurait pu être un bon dirigeant, mais non, je pense pas qu'il faut être un très très bon footballeur pour être un bon entraîneur. Mais je pense quand même qu'il faut avoir deux trois notions et avoir au moins tapé dans un ballon. Et là, on nous avait mis un entraîneur en senior qui n'avait jamais fait de foot de sa vie, qui ne pouvait pas te faire une passe, qui ne pouvait pas te faire un contrôle. Et à un moment donné, je dis au président, je suis fait. Il faut arrêter de se foutre de la gueule. C'est pas possible. Ils Sur ont mis un sur banquier l'équipe entraîneur première, là, on est sur l'équipe première. sur la réserve. Là, on est sur la D'accord. réserve, OK. l'équipe 2. Et en fait, cet entraîneur, bah, 3 ou 4 matchs de la fin, il vient plus. Parce que souci perso, je sais pas quoi. Donc, je me retrouve sur certains matchs à faire joueur-entraîneur. C'était un peu compliqué, mais je l'ai fait. À la limite, ça m'a enlevé un poids parce que vu qu'il m'avait mis capitaine, je ne pouvais pas le contredire devant lui. Donc j'étais obligé de valider ce qu'il disait. Et là, le fait qu'il ne soit pas là, bah, j'ai pu voilà, jouer mon rôle de meneur entre guillemets à 100%. Alors même si après, j'imagine sur le terrain, ça devait ressembler à rien à l'époque. Mais ça a pu montrer déjà, toi, un petit peu de. Ça m'a donné un peu de crédit auprès des autres. Tu avais aussi, comme tu as dit, c'était un club dans lequel j'étais depuis toujours. Donc les gars savaient que j'étais éducateur, etc. J'étais sérieux, que mes séances d'entraînement, je faisais pas des trucs loufoques. Et donc dès la fin de la saison, j'ai dit au président, j'arrête et je veux prendre l'équipe à la fin de l'année. Voilà, je veux entraîner les seniors, j'en ai marre. Je veux l'équipe réserve. J'avais déjà l'animateur senior à l'époque, je crois. Et je lui dis, voilà, je veux l'équipe senior, parce que là, ce qu'on fait, c'est n'importe quoi. Et les moins de 17 ne vont pas vouloir monter en senior si on a un entraîneur qui fait n'importe quoi. Donc ça a été validé, j'ai pris l'équipe réserve l'année qui a suivi. Tout de suite, ils ont compris bah, que je n'étais pas là pour blaguer. C'est moi qui me suis occupé de la prépa physique. Que quand je disais un truc, si j'avais un de mes potes qui rigolait pendant que je parlais, ok, stop, tout le monde dit pompe. Ouais, mais bah, dis merci à un tel, celui qui est en train de parler. Moi, quand vous me parlez, je vous écoute. Donc, quand je parle, vous m'écoutez. Que, ouais, y a pas de... J'aurais dit, il n'y a pas d'âge, machin, quand on est sur le terrain, y a pas... en dehors, il y a un âge où je respecterai de toute façon celui qui a 30 ans à la base, parce qu'il est plus âgé que moi, mais sur le terrain, c'est moi. Donc c'était clair. J'ai refusé que des mecs signent au club. Des anciens du club voulaient revenir. L'entraîneur, le premier, a dit, ouais, Julien, c'est toi qui décides. Est-ce que tu les prends ou pas? Donc je dis, bah, un tel, non, je ne vous prends pas. Question de niveau, par rapport au nombre qu'on est déjà, je peux vous orienter vers CD, machin. Donc là, les mecs se sont dit, ah ouais, en fait, ils sont fous complets. Qu'on soit un ancien, pas un ancien, lui, ce qu'il veut, c'est enfin, la priorité. Donc là, ils ont compris de toute façon. Un ancien, pas un ancien, un ancien du club, un nouveau, un machin. Moi, ce qui est le plus important, c'était l'équipe. Donc ils ont compris direct que c'est ça qui passe avant. Donc ça a permis d'être crédible. Ils ont vu les entraînements. C'était le jour et la nuit par rapport à ce que l'entraîneur précédent faisait. Donc bah, après, une fois que tu as montré que tu es là. Et après, ils savaient que je ne me prenais pas pour le meilleur du monde. Juste que j'étais passionné à mort et que je faisais des séances à fond. Donc, même quand je faisais des erreurs, bah, que ce soit des erreurs humaines ou machin, ou que je m'emporte, ou que. Bah, ils savaient que je le faisais, mais en faisant du mieux que je pouvais. Donc, il n'y avait pas de. Après, évidemment, tu en avais qui, quand ils ne jouaient pas, sortaient. Ah ouais, mais de toute façon, Julien, il fait jouer ses potes. C'était là. Ça, c'est Quand tu n'étais l'incontournable, pas ça. convoqué, c'était Ça, la. ça. Ah ouais, ça c'était. Enfin, mais moi, après toi, ça, j'étais vacciné, ça, parce qu'à l'époque, bah, si je jouais, c'est parce que mon père était président. Si j'étais entraîneur, c'est parce que mon père était président. Ok. Et après, mes joueurs, ils jouaient parce que c'était là, mes potes. Ça m'a pas gêné, ça. Ça fait partie Les du jeu. Il mecs n'y ont a rien trouvé à leur faire, place. ça, de toute façon. Ouais, bah, de toute façon, tu peux faire ce que tu veux. Hein. C'est. Ouais, mais t'en as pas un qui a dit le jour où j'ai dit à mon capitaine, prends tes affaires et rentre chez toi. Ah, mais il fait ça parce que c'est son pote. Et non, pourtant, tu vois, le mec, c'était mon témoin de mariage dans un mois, et je l'ai viré, il est rentré chez lui. Ça, c'était pas un problème. Et dis-moi que justement, sur la partie technique, physique, mentale, comme ça, là, qu'est-ce que tu mets en place? Est-ce que ça ressemble à quoi ce début de saison, là, la première fois? Est-ce qu'il y a justement, tu changes un peu ta façon d'entraîner? Comment tu te lances dans le projet? C'est quoi les objectifs que tu te fixes personnels et les objectifs de groupe que tu te fixes sur cette saison-là? Ça change un peu parce qu'en moins de 17, c'est pas moi qui avais fait la préparation physique, c'était l'entraîneur de la une qui l'avait pris en charge. Là, moi, enthousiaste à fond, parce que je me dis, bah, tout ce que j'ai pu apprendre depuis le début, toi, de toutes mes formations, bah, c'est à moi maintenant d'y aller, quoi. Donc, pas mal de livres aussi que j'avais achetés pour m'enrichir. Et pour combler à la limite le manque de joueurs de haut niveau, entre guillemets, que j'avais pas eu moi. Donc d'avoir des entraîneurs hyper compétents, de voir certaines choses, mais il a fallu que moi j'aille chercher les infos. Donc non, gros enthousiasme, grosse. Le début, c'était la rigueur. Les premières séances, c'était marquer son autorité directe, enseignant. Ok, c'est quoi le secret? Comment on fait là? Déjà, c'était. Alors pourtant, je suis réputé, tu vois, pour être souvent en retard. Mais là, enfin, j'étais. On commençait à 8 heures. Enfin, les entraînements, à l'époque, je me disais, on commençait à 8 heures. À 8 heures, on partait en forêt courir. À 8 h, je partais courir. Donc, les tout premiers entraînements, on est parti. T'en as quelques-uns qui ont attendu qu'on rentre devant la porte du vestiaire, parce que c'est moi qui avais. À Jmoutier, il n'y avait pas de gardien ou des trucs comme ça, c'est moi qui ouvrais le vestiaire et qui fermais. Donc, bah, ils ont compris que si t'étais pas à l'heure à l'entraînement, bah, t'as plus pour l'entraînement, il t'attend pas, en fait. Ah, tu t'exclus du Et. projet tout seul. Ouais, c'est pas l'entraînement qui va t'attendre, c'est toi qui dois faire l'effort d'eux. Alors, après, évidemment, tu peux être en retard pour X raisons, il n'y a pas de problème. Après, quand j'ai pris la première, c'était un nombre de pompes fait par 1 minute de retard. Les mecs, ils en avaient marre parce qu'ils savaient que j'étais assez con pour dire non, t'as 45 pompes à faire, tant que t'as pas fait tes 45 pompes, tu commences pas sans entraînement. Et tu pouvais rester à parler, à essayer de négocier, t'as un truc qui était clair net, si tu les fais pas, tu t'entraînes pas. C'était ça, montrer direct, on n'est pas pour blaguer. Moi, entraîner les seniors, c'est un kiff. Donc, je laisserai personne ruiner mon kiff. En gros. Chez les jeunes, chez les seniors. J'avais dit à tout le monde, début de saison, en réserve avec l'équipe qu'on a, on joue le titre. Donc, là, t'arrives, les mecs disent, ouais, attends, t'es mignon. Et je leur dis, non, on joue le titre. Je fais chaque match, on va les jouer pour les gagner. On les gagnera probablement pas tous, mais tous les matchs, on va les préparer pour les gagner. Malheureusement, ça n'a pas marché. On perd le titre à la dernière journée. On est premier à la dernière journée, nous fait un match nul pour être champion et on perd. La première grosse désillusion dans le foot. D'accord. Tu penses qu'il a manqué quelque chose là à ce moment-là? Ouais, de l'expérience de ma part. D'accord. Par rapport à quoi? Sur le dernier match. Parce qu'on va jouer le dernier match. Soisy sur mon Morancy. Sur le. Oh là, c'est dans le sud là. On est dans le sud de Paris, non? Non, toujours dans le 95. Ah, toujours dans le 95. Oui, exact, ouais, Soisy. C'est pas très loin de d'Enghien-les-Bains. Exact. Tant pour moi. Là, c'est quoi? C'est la gestion des moments délicats à ce moment-là qui manque. C'est la gestion de l'événement là, sur la dernière journée. Parce qu'on va. Dernière journée, c'est premier contre deuxième. D'accord. Et on va jouer chez le deuxième. Eux, s'ils nous battent, ils sont champions. Nous, si on fait match union, on est champions. Et en face de moi, j'ai un entraîneur bien plus âgé que moi. Bon, là, ça va faire bizarre parce que je me mets un coup de pied tout seul, mais à l'époque, il devait avoir 35-40 ans. Mais alors, d'une gentillesse dingue, c'était un pas du tout chambreur, un mec adorable. On en avait gardé un bon souvenir. Mais moi, j'avais vécu ça comme. Je pense que je m'étais mis plus de pression qu'Aimé Jacquet en 98. C'était un truc de malade. Et la pression, je l'avais fait. Je l'avais remis sur mes joueurs qui avaient dû la sentir comme c'est pas permis. On fait une bonne première mi-temps, deuxième mi-temps, il y a 0-0 à la mi-temps, et deuxième mi-temps, enfin à la mi-temps, au lieu d'appuyer sur du positif dans ma causerie, je leur mets une rouste comme c'est pas permis en me disant, tu vois, plus en mode rugby, on va à la guerre, faut qu'on y aille, etc., plutôt que de dire, bon, ok les gars, tranquille. Il nous reste 45 minutes. Voilà. Techniquement, on rappelle que ma causerie, il n'y avait aucune notion technique, tactique. C'était que dans le « Yaaah ! Allez !» Et je me rappelle que j'avais un de mes meilleurs amis qui était dans le vestiaire à l'époque. Plus âgé que moi, mais lui qui a joué à un bon niveau, le père de ma filleule, qui en sortant du vestiaire, me dit « Jus, essaie de remettre un petit coup de positif parce que là, tu les as défoncés alors qu'ils font une bonne mi-temps. De l'air du positif. » Et moi, toi, convaincu, 22 piges, 22, 23 ans, convaincu que de toute façon, c'est moi qui ai raison. Je leur dis, non, t'inquiète, ça va le faire. Et on perd 1 ou 2-0, je crois. Et là, c'est le monde qui s'écroule. C'est froid. Tu penses que tout se joue à la causerie? Ou tu penses que c'est en préparation du match ou durant la semaine ou... Non, c'est, je pense, la causerie de la mi-temps qui fait qu'on ne va pas chercher le titre sur les 45 dernières minutes. Parce qu'on n'était pas la meilleure équipe du championnat. C'était pas nous les meilleurs, clair et net. Et c'est le travail qui avait fait qu'on était premier à la trêve. Pas à la trêve, à la dernière journée. Mais clair et net, on n'était pas les meilleurs. Il y avait Soisy et à l'époque Bessancourt, qui était meilleur que nous. Mais par le travail qu'on avait fait, que les gars avaient fait magnifiquement pendant un an, on était premier. C'est quoi cette notion de travail, Julien? Excuse-moi de te couper. C'est quoi justement? Beaucoup de tactique. Ça a été beaucoup de tactique. D'accord. Justement, on peut rentrer un peu dans les détails. Qu'est-ce que. Toi, tu as 22, 23 ans. Tu me dis que tu vas combler un peu le manque de joueurs en allant justement chercher les infos un peu à droite, à gauche. Ça ressemble à quoi un peu ton projet sportif, ton projet de jeu sur cette saison-là? Qu'est-ce que tu mets en place et comment tu le mets en place? Justement, avec des joueurs peut-être bons et plus âgés que toi. Comment tu t'organises? Ça peut te paraître bizarre vu que tu es dans le foot, mais donc là, toi, moi, quand je jouais à l'époque, on jouait Les entraîneurs se prenaient pas tête, on jouait tous pareil en 4-4-2, losange, 1-6, 1-10, milieu droit, milieu gauche, un libéro décroché. Toutes les équipes ont joué comme ça, il n'y avait aucune notion technique, tactique, de défense en zone, pas en zone, le 3, tu prends le numéro 8, et en gros, tu vois, c'était très basique. Et donc, j'arrive, je prends l'équipe réserve. Je me rappelle de ça en tant que joueur, là, à ce moment-là, mais... Moi, c'était en tant que joueur que je te parle. Et j'arrive, je prends l'équipe réserve en tant que coach, et j'entraîne un mec que j'adore, qui avait un an de plus que mon grand frère, donc qui a 5 ans de plus que moi, qui est instit, qui est la crème des crèmes, et je leur fais, début de saison, entraînement sur la défense en zone. Je leur dis, les gars, cette année, on va défendre en zone. Et le mec, il a 28 ou 29 ans à l'époque, instit, un mec hyper intelligent, très sportif, très à l'écoute. À la fin de la séance, qu'on venait de travailler. Alors, on travaillait pas à la défense en zone. Là, tu te remémores, on fait de l'initiation à la défense en zone. N'hésite pas à rentrer dans les détails, c'est extrêmement intéressant. Là. Je partage, entre guillemets, bêtement, tu vois, je partage mon terrain en trois zones, dans le sens de la longueur avec des assiettes, et je fais le jeu du miroir. Et je leur dis, voilà, je leur fais apprendre bêtement. Harry Gosaki. L'espace entre chaque joueur, c'est 10-12 mètres, et entre chaque ligne, c'est 10-15 mètres, et suivant, là, on est sur le terrain, plus on va se rapprocher de nos buts, plus les espaces réduisent, plus, voilà. Et donc, on fait juste du miroir, moi, tout seul, après, je prends deux joueurs avec moi pour faire circuler le ballon, après, voilà, bah, tu sors sur le porteur de balle, je prends l'exemple d'une commode de chez ta grand-mère que bah, tu sors un tiroir, tu peux pas ouvrir un deuxième tiroir, tu ouvres le tiroir de gauche, tu fermes le tiroir de droite pour que ça coulisse. Machin. Un truc que les joueurs n'ont jamais vu, quoi. Ils l'ont jamais vu, et ils ont 28 ans. Et donc là, tu arrives, toi, avec tes 23 ans et tu fais cette séance-là. Tu passes par un illuminé. Mais là, j'aurais pu être, toi, ils auraient pu décerner le meilleur entraîneur FIFA de l'année, me le donner le soir même, ils me le donnaient. Les mecs, ils ont fait, mais c'est un truc de fou. Et là, donc, t'as Thomas Garbin, allez, ce genre-là qui était une crème, il vient me voir, il fait, putain, je lui merci. Il fait, tu sais quoi, j'ai 28 maintenant, je sais plus quel âge il avait exactement. Il fait, mais ça, je l'ai jamais vu et j'ai kiffé ma séance. Le mec, il incite. Donc, tu vois, c'est un puits de connaissances. Tu le voyais avec les gamins, c'est l'instit rêvé pour des gamins. Et ce mec-là, il vient te voir et tu fais, voilà, oh, j'ai appris des trucs, je suis trop content. Tu fais, waouh. Donc, déjà, tu te dis, t'as gagné un peu de crédit, toi, tu peux te permettre de faire 2-3 boulettes. Parce que déjà, là, t'as montré que les mecs, on a comblé un vide monstre. Tactiquement, on partait de rien. On partait de rien. Donc, ça avait été un. C'est vraiment notre travail qui avait fait que, voilà, on n'est pas forcément un ou deux joueurs qui faisaient la différence comme dans certaines équipes. Mais, voilà, et puis t'as le fait que, ben, on avait formé à l'époque un vrai groupe. Parce qu'eux, ils savaient que je me tapais pour le club et que j'étais pas un mec de passage. Eux avaient adhéré au projet à mort. Donc, on était tous ensemble dans le même truc. Et pourtant, toi, à l'époque, je parle de ça, c'était la 3e division district. Non, bien sûr, bien sûr. Mais nous, tous les dimanches, on y allait, c'était notre kiff comme pas possible. Là, tu as parlé notamment un point défensif. Est-ce qu'il y a un point offensif que tu leur apportes qui te revient en tête un peu? Ouais, la première fois que je leur parle d'un schéma de jeu offensif et défensif. On joue pas dans le même schéma de jeu offensif et défensif. Donc, c'est les gros yeux. Parce que pour eux, un 4-4-2, c'est un 4-4-2 ou un 4-3-3, c'est un 4-3-3, il n'y a pas de. Et à l'époque, je me rappelle qu'on joue en 4-5-1. Donc je leur explique que défensivement, bah, ça se transformait en 4-4-2 ou 4-4-1-1, mais deux lignes de 4 qui coulissent. Et que offensivement, on bascule en 4-3-3 avec 3 attaquants et 2-6-1-10. Donc là, au début, quand tu leur dis ça. Tu viens de leur annoncer une terrible nouvelle parce qu'ils disent, mais qu'est-ce que tu racontes? Non, c'est... Donc, et là, tu repasses par des trucs que moi m'avais marqué et avait marché quand j'étais petit. Donc, je fais, bah, tout le monde au vestiaire, tableau noir. Ils t'expliquent au tableau noir, hop, tu ressors dehors. Et le tableau noir, bah, tu le transformes en tableau humain. Comment on coulisse au début, comment on va à les phases de transition, comment tu... qu'est-ce que ça veut dire que si un joueur se déplace, ça emmène le déplacement de tous les joueurs? Un truc très bête, bah, tu attaches tous les joueurs les uns aux autres. Et ils voient par eux-mêmes que si tu en as un qui bouge, bah, tout le monde bouge. Le donc, mouvement, j'ai beaucoup, beaucoup d'exemples. Le mouvement crée le mouvement, oui. Voilà, tout le temps. Mais des choses qui, quand tu connais, paraissent basiques, mais tu te rends compte que, bah, et on en revient à une de tes toutes premières questions, que si tu n'as pas de mec qui explique au tout début comment ça marche, bah, tu te retrouves avec des mecs à 28 ans bah, qui ne savent pas ce que ça veut dire coulisser, sortir sur le porteur du ballon sur le temps de passe, qui, tu leur fais un exercice de psychomotricité, tu te dis « putain, c'est bien compliqué ». Donc c'est pour ça qu'il faut évidemment des mecs compétents chez les tout-petits pour que ce travail-là, à la base, je n'aurais pas dû le faire, pour être vraiment plus dans le spécifique et insister sur des points bien précis. Mais le manque qu'on avait a été comblé rapidement parce que les mecs ont été enthousiastes justement du fait d'apprendre des nouveaux trucs alors qu'ils sont seniors. En senior, très souvent, quand tu arrives en troisième div, toi tu arrives, tu fais ton entraînement, très souvent c'est tu me la donnes, je la redonne, tu frappes, match, et le dimanche on va jouer. Et là, le fait de s'entraîner vraiment avec des vrais entraînements et d'apprendre des trucs, les mecs ont été enthousiastes et donc ça a porté le truc toute la saison. On connaît un peu là, il n'y a pas de petit niveau, il n'y a pas de mauvaise expérience, au contraire, mais ça qu'on non, prend. Ça, c'est un moment. On prend des choses simples qu'on peut réadapter à d'autres contextes. Éventuellement, on pourrait s'étendre, mais ce n'est pas l'idée. J'aimerais aborder un peu après, par la suite, sur tout ce que tu fais actuellement. Mais avant justement de faire la transition, est-ce que tu ferais, quel bilan tu ferais de cette expérience-là, à ce moment-là, si on remet les choses un peu dans leur contexte? De Moutier ou juste de la réserve? Le fait d'être jeune entraîneur qui a cette expérience-là, à la fin de cette première saison, ou peut-être des deux premières saisons, c'est quoi l'expérience, le bilan que tu fais de cette expérience-là? J'ai faim comme c'est pas possible. À la fin de la première saison, c'est à la fin de la première saison quand j'ai la réserve, vient en contrainte entre guillemets qu'il faut forcément avoir l'animateur senior pour entraîner les seniors excellence. Chose que n'a pas l'entraîneur de la première à l'époque, et il devient président. Ouais, il veut mettre quelqu'un d'autre en place, et moi je lui dis non, je veux l'équipe première. Et pour la première fois de ma vie, je fais un truc que j'aime pas du tout, mais je lui mets un ultimatum, je lui dis soit tu me donnes la première, soit je pars du club, et donc tu seras responsable de mon départ. Donc là, ça fait très très prétentieux. Surtout à 25 ans. Je lui dis, c'est... Là, tu vois, j'ai 24 piges. Et je lui dis, soit tu me donnes l'équipe, soit tu es responsable du départ de l'enfant du club. Donc là, tu passes pour le mec qui est un boulard comme pas possible. Les joueurs me suivent. Disent en gros, nous on veut que ce soit Julien. Donc là, pareil, toi, double tranchant parce que derrière, il faut quand même que tu sois capable de botter derrière d'un mec grâce à qui en partie tu es dans l'équipe. Toi, on en parle encore aujourd'hui quand tu entends ce qui s'est passé à Saint-Etienne avec l'entraîneur en début de saison, que les joueurs l'ont voulu et finalement il s'est fait sauter au bout de quelques mois. Mais donc là, je récupère la première au final et je garde la première pendant 4 ou 5 ans. Et je me regarde un souvenir exceptionnel. C'est passé trop vite, mais c'est exceptionnel. D'accord. Exceptionnel. Toi, j'avais déménagé à Nation. Donc, ça me faisait 45 bornes pour aller à l'entraînement, 45 bornes pour rentrer. Je rentrais de l'entraînement, je déposais d'abord des mecs chez eux. Et je rentrais, c'est jamais avant minuit, parce que je finissais l'entraînement là-bas à 22h30. T'as 45 minutes de route, le temps que les mecs se changent, c'est moi qui ferme les vestiaires. Mais c'était exceptionnel. Et si t'avais des conseils à donner, si quelqu'un s'apprête à... Mais ça va que j'ai vécu l'expérience il y a 2 ans, moi j'étais un peu plus âgé, je devais avoir 27. Mais si jamais je suis amené à reproduire l'expérience là prochainement, s'il y avait des conseils à donner... Durant cette expérience-là, toi, l'expérience que tu as emmagasinée, lesquelles pourraient être? Et ça, maintenant, c'est devenu un de mes principes de base, c'est t'intéresser aux hommes avant de t'intéresser aux joueurs. C'est pour moi la priorité. C'est, enfin, je le fais aujourd'hui avec les filles, je le fais avec les garçons. Et le plus important pour moi, c'est que l'homme ou la femme aille bien, se sente bien. Et à ce moment-là, tu peux être dur avec le joueur. Mais vu qu'on n'est pas en professionnel, si de s'intéresser à ce qui se passe dans la vie de tes hommes ou tes femmes qui sont avec toi, parce que tu peux rien demander à un joueur. Donc je te prends un exemple très con que moi j'ai eu, c'est un de mes joueurs qui était sur le point de se faire virer de son boulot, je le savais, donc mon comportement en séance a été en adéquation avec la situation personnelle qu'il vivait. Si jamais je n'avais pas prêté attention à ce qui se passait dans sa vie et qu'on faisait un entraînement physique et qu'il n'était pas bon et que j'avais passé 2 heures à lui rentrer dedans, machin, le joueur l'expose en plein vol et tu le perds. J'ai des joueuses qui sont mères de famille, si je ne sais pas que bah, ça ne va pas bien en ce moment avec leur gamin, parce que si, parce que ça, ça va pas bien dans la vie perso, ça va pas bien au taf. Un joueur, une joueuse qui passe ses diplômes, un concours pour entrer dans une école et que ça a du mal ou problème conflictuel avec les parents, enfin, des explications, tu en as des milliers de cents, mais vu qu'on n'est pas en pro, pour moi, si tu t'intéresses à l'homme ou la femme, tu peux rien en tirer sur le long terme du joueur. Par contre, si tu t'intéresses aux deux, tu emmènes le joueur ou la joueuse où tu veux. Mais si tu t'intéresses que au joueur, à la fin, c'est l'homme ou la femme qui te quitte et qui s'en foutent de ton projet, en fait. S'ils se rendent compte que si tu t'intéresses que au joueur et à la joueuse, c'est-à-dire que tu es là, entre guillemets, en grande partie que pour toi. Toi, en tant qu'entraîneur de foot, qui pense foot, qui réfléchit que foot, et qui te sert de tes joueurs ou de tes joueuses pour aller plus haut. Alors que si tu t'intéresses à l'homme ou à la femme, bah, tu mets de l'aspect humain, et donc les joueurs et les joueuses vont se rendre compte que bah, tu t'intéresses réellement à eux pour ce qu'ils sont, et non pas juste pour ce qui t'apporte à toi. Et là, à ce moment-là, bah, ils vont te suivre au bout du monde, quoi. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, Julien, merci de faire la transition, c'est cool. Dis-moi, est-ce que tu veux faire une pause ou ça va? Non, pour moi, tout va bien. Non, ça va? Ok, parfait. Pourquoi la transition? Parce que bah, justement, j'allais te demander, bah, est-ce que tu pourrais nous parler un peu ce que tu fais, comment, enfin, qu'est-ce que tu fais actuellement, comment ça se passe, où est-ce que tu es, puis éventuellement comment se passait surtout la saison. Mais peut-être avant d'aborder cette question-là que tu pourras aborder par la suite, ma première question aussi, avant de faire la transition, c'est qu'est-ce qui a fait que finalement tu n'étais plus un entraîneur de ton club, mais qui t'a fait dire que tu es devenu finalement que le foot c'était que tu étais prêt à entraîner dans un autre contexte et que finalement que c'était le foot, quoi. Ben en fait, je quitte Jumoutier pour 2 raisons. Parce que c'est loin, donc j'ai déménagé à l'est de Paris. Et que financièrement, ben, 45 km aller, 45 km retour, fois 2 ou 3 entraînements, plus le match, au bout d'un mois, ça commence à piquer. Et je me rends compte à un moment donné que c'est évident et qu'il faut que. Et pour eux et pour moi, ben, il faut se dire stop. Je vais le faire la saison d'avant où on gagne la coupe et je me dis c'est trop facile de partir sur une victoire. Ça fait comme dans les films. Je me dis l'histoire n'est pas encore finie, je pousse encore un an et je me rends compte que c'est ben, malheureusement tu fais l'année de trop. On descend cette année-là, donc là c'est le drame de ma vie, etc. Mais je me rends compte que voilà, pour les mecs il faut qu'ils voient autre chose et que enfin voilà. Par moment, tu as l'impression que tu es comme dans un vieux couple, on ne supporte plus parce qu'on sait ce que l'autre va dire et on sait ce que le premier va, comment il va réagir. Et même s'il y avait encore beaucoup d'affection entre le groupe et moi et que hein, tu en as encore avec qui je suis en contact, il n'y a pas de problème. Mais voilà, il fallait que je parte. Mais j'étais dans un contexte. Un, c'était le club dans lequel j'ai grandi. Dans mon équipe, j'avais mon dirigeant. Je m'occupais de rien. Moi, je m'occupais de venir avec ma craie sur mon tableau noir pour mettre mon équipe. Et c'est tout. Je m'occupais pas de gonfler les ballons pour les matchs, de plier les maillots, de mettre les maillots à la machine à laver, de préparer la pharmacie, les licences qui à l'époque étaient en papier. Tout ça, c'était mon dirigeant, Jackie, le père d'un de mes joueurs. Mais c'était la Ligue des Champions, parce qu'en plus, en excellence, quand tu joues, tu as trois arbitres officiels. Donc j'étais mais dans un confort exceptionnel. Exceptionnel. J'avais rien à faire, je vais m'occuper du foot, c'est tout. Donc un kiff. Donc je décide de partir pour me rapprocher de chez moi. J'ai l'opportunité d'aller à Vincennes. J'habite à Nation à l'époque. Je peux y aller limite en vélo, c'est juste à côté. Et là, je découvre un cadre pour travailler qui est exceptionnel dans le bois de Vincennes, etc. C'est là qu'on se rencontre avec François qui a eu U19 à l'époque, François Derrien. Son père est directeur technique du club, ainsi que Karim Kanouch, que j'ai retrouvé maintenant à Joinville. Les deux directeurs techniques valident ma venue et donc je viens à Vincennes en U19. Et là, premier match de championnat, cauchemar. J'ai pas de dirigeant, j'ai pas de voiture. Je dois faire la touche. Je dois faire des allers-retours en voiture avec Karim Kanouch à l'époque, de mémoire, pour amener les gamins jusqu'au stade parce qu'on jouait à l'extérieur. Je pars à 10, je prends une valise. Et là, je me dis, putain, mais qu'est-ce que je suis venu foutre là-haut? Et bah, j'ai dû faire la touche plusieurs fois dans la saison. J'étais tout seul en U19, avec ma seule voiture. Des fois, j'avais un papa qui venait qui était adorable. Mais plus souvent, j'étais tout seul. Donc, quand je donnais le rendez-vous aux gamins le vendredi soir, ou le vendredi soir, je donnais le rendez-vous et je leur donnais l'itinéraire en transport en commun pour aller au match. Et moi, je prenais les ballons, les sacs, les machins. Et là, je me suis. Enfin, j'ai eu de la chance cette année-là que j'ai un groupe de joueurs top. Et malgré l'adolescence et rentrer dans l'âge adulte, machin, j'ai pas eu de bagarre cette année-là. Mais je me suis dit, en fin de saison, je me suis dit, mais imagine si je vais jouer à tel endroit que la gare du RER, elle est loin et que ça part en vrille. Je suis tout seul. Avec des gamins de 17-18 ans, et ça part en cacahuète, on nous attend quelque part, je suis tout seul. Donc j'ai fait, en fait, non, j'aime pas être entraîneur de foot. Parce que si entraîneur de foot, c'est ça, bah, en fait, j'aime pas. Non, Parce que effectivement. non, j'ai pas. Il est hors de question que je prenne direct avec mes gamins, que j'essaie de travailler des trucs à l'entraînement pour le dimanche, bah, faire juste de touche. Alors j'ai rien contre les juste de touche. Hein, mais moi, quand je fais juste de touche, ben, je le fais à fond, comme quand je suis entraîneur, je le fais à fond. Donc, si je suis juge de touche, ben, je ne donne pas de consigne. Et je ne vais pas tricher. Et donc, ben, je vais parler à la mi-temps ou je vais parler tout discrètement à mon arrière-gauche pour qu'il le répète aux autres. Mais donc, ce n'est pas un rôle d'éducateur, c'est mort. Donc, à la fin de l'année, je dis au président, stop, je ne peux plus. J'arrête. Et ben, pendant un an, je me rends compte qu'il manque un truc quand même dans ma vie, quoi. Il me manque une dose de quelque chose. Et le hasard fait que la meilleure amie de mon ex-femme jouait au foot. Et me dit une fois, tiens, viens nous voir jouer. Une fois, deux fois, trois fois. Vas-y, vu que tu es diplômé, tu veux pas entraîner aussi, enfin aider l'entraîneur en place, machin et tout. Et de fil en aiguille, bah, j'ai été aidé à un entraînement, deux entraînements, trois entraînements, et je suis resté trois. Et là, on remet le bleu de chauffe. Et là, Et bah là, c'est cette année, ah. l'expérience féminine, c'est ça? Et là, t'as embarqué avec les féminines. Bah, je t'en prie, super. Excellente transition. Dis-moi, bah, ouais, t'en es où? Tu en étais où cette année? Comment ça se passait? Et puis, Ben, ouais, cette année, c'est ça se ça. passe bien. Ça se passe bien. Donc, je suis au Racing Club de Joinville maintenant. C'est le troisième club féminin que j'entraîne. J'ai eu Bourg-la-Reine, l'AS Bourg-la-Reine, là où j'ai commencé. Petite structure niveau féminine, mais voilà, on a travaillé. Ça m'a, je leur serai toujours reconnaissant parce que sans cette première expérience, il n'y a pas les autres. Après Bourg-la-Reine, j'ai été entraîné au PUC par Université Club. Première année exceptionnelle avec un staff. J'entraîne l'équipe 2 et l'équipe 1 était en DH, l'équipe 2 était en PH. On a une symbiose avec le staff qui est exceptionnelle. Avec les filles, pareil. Je vis une de mes plus belles années en tant qu'entraîneur à ce moment-là. Il se passe un truc, comme on a dit avec l'entraîneur de la une, Guinel. avec qui on est devenus amis. Enfin, je lui ai dit, moi, ça commence à faire un moment que je suis entraîneur, et je lui ai dit, vivre ce qu'on a vécu cette année, j'espère que chaque éducateur qu'on connaît pourra le vivre un jour, mais j'en suis pas sûr, tellement ça avait été exceptionnel. J'en garde des souvenirs de dingue. Deuxième saison très compliquée, tout le staff s'en va, sauf moi. Tout le staff est viré, sauf mon adjoint et moi, et mon adjoint décide de partir. Je reste uniquement pour les filles. Mais ça se passe, on va dire, mal, entre certaines personnes du club et moi. Je décide de partir à la fin de cette deuxième saison, même si je pense, si je pars pas, de toute façon, on me demande de partir à un moment donné. Ça reste des suppositions. Je démarche le club de Joinville parce que la vie m'a fait vivre après Nation. Je suis arrivé à Joinville par le plus grand des hasards. Et je parle avec mon adjoint en cours de saison. Et je lui dis qu'on a envie de rebosser ensemble. Lui était parti au Red Star avec les féminines, les petites. Et on veut rebosser ensemble, on veut reformer le staff, etc. Donc je lui dis, j'ai réfléchi. Et Joinville était déjà très réputé au niveau des garçons. Même à l'époque où j'étais à Vincennes, j'entendais parler que Joinville, c'était au niveau éducatif, sportif, encadrement, cadre de travail, esprit familial, c'était top. Mais je croyais connaître personne. Donc je me renseigne sur Internet, machin, et je vois qu'il n'y a pas de féminine. Enfin, qu'il n'y a pas de senior féminine, il y a juste des U19 à 7. D'accord. Donc, tu prends ton courage à deux mains, même si c'est pas ce qui est le plus simple. J'appelle le responsable technique, Bruno Sampaio, et je lui présente le projet que je veux faire. Une espèce de pyramide inversée, commencer par les seniors, mais pas venir juste pour dire, voilà, moi je veux kiffer avec l'équipe senior, et ce qui se passe en dessous, je m'en fous. Je veux créer les seniors, parce que je sais que j'ai des filles qui vont me suivre, ce qui a été le cas. Je veux créer les seniors l'année juste avant la Coupe du Monde en France, parce que moi j'avais vécu la Coupe du Monde 98 en tant qu'éducateur, et j'avais vu l'engouement que ça avait eu auprès de l'école de foot à l'époque à Joumoutier. Et je me dis, si on arrive à Joinville avec une équipe senior féminine, que les filles donnent une très bonne image, que au niveau sportif, humain, etc., et que dans la ville ça se passe bien, et que le bouche à oreille, etc., si par bonheur l'équipe de France fait une belle Coupe du Monde, et que la Coupe du Monde féminine, c'est un bel engouement et que ça plaît aux petites filles, eh ben, les petites vont vouloir arriver au club, vont se renseigner, vont voir qu'on donne une bonne image. On est arrivé, donc l'année dernière, c'est la première année, on est arrivé à être champion, enfin championne, dès la première saison, alors qu'on était. Il y avait un point de règlement sur lequel on s'est fait attraper, on pensait ne pas avoir à subir la règle des 6 mutés par match, vu qu'on créait l'équipe, et en fait, si, vu qu'il y avait déjà une équipe de 19 à 7, eh ben, on a dû jouer avec seulement 6 mutés, donc il a fallu trouver des noms mutés, etc. C'était une saison extrêmement compliquée, mais championne à la fin, donc ça a été une fiesta extraordinaire. Et résultat, ça s'est passé plus que bien, on va dire, plus que dans nos espérances, parce que on s'est retrouvé cette année avec des petites, des équipes U13, U15, U19, seniors, on a plus de 100 féminines licenciées. Ouais, le projet prend forme à fond, le club a suivi à fond. Le président, c'est une présidente, donc elle est aussi enthousiaste par ce qui se passe. Les éducateurs, en fait, je me suis rendu compte, c'est là que je me suis rendu compte que, en fait, si je connaissais certaines personnes au club, François notamment, qui est devenu préparateur physique cette année, il est éducateur sur certaines catégories, plus préparateur physique sur d'autres catégories, dont les féminines, donc il fait partie du staff intégrante, et les filles l'adorent aussi, parce qu'il fait un super boulot. J'ai retrouvé Karim Canouche, qui était un de mes directeurs techniques à Vincennes, retrouvé deux éducateurs. Les éducateurs nous ont super bien accueillis, alors que moi je sais par expérience que des fois dans certains clubs, les féminines ça fait un peu chier, parce que ça prend du temps, ça prend des créneaux, puis toi, c'est des filles, ça joue au foot, donc on s'en fout. Les structures les structures sont séparées là, ou les féminines font partie du club? Ah, on fait partie du club intégrant. D'accord, ok. On est, et justement, on veut surtout pas, parce que moi j'ai connu deux clubs dans un club, Et ça fonctionne pas, Et on ça. veut pas de ça. D'accord. Ben, on veut. Et un, ça fonctionne pas. Deux, c'est la guéguerre. D'accord. Pourquoi les filles elles ont ce créneau-là? Pourquoi les garçons ils ont ces maillots, ils ont des nouveaux maillots et pas les filles et machin truc. D'accord. Toi, il y a un truc à Joinville qui existe. Ça s'appelle la Joinville Cup. Ah, Un tournoi U12? pour les jeunes. Exactement. Un Ouais. tournoi hyper réputé. Effectivement. Où t'as les, voilà, t'as des clubs pro de partout qui viennent et qui demandent à venir. Et je connaissais ça que de nom. Et l'année dernière, j'ai eu la chance de le vivre pendant tout le week-end. Et on avait demandé aux filles, faut de la main-d'œuvre, faut des dirigeantes, faut du monde, entre guillemets, pour faire les crêpes, pour faire les sandwichs, pour faire des petites interviews, pour tout. Et preuve que les filles se sont senties toi, super bien intégrées au club, c'est que l'année dernière, on a tourné sur l'ensemble du week-end. On devait être, je crois, 18 et 19 filles le samedi et le dimanche, et qui sont venues participer à fond au truc, sans se dire, attends, c'est un tournoi de garçons, on s'en fout. Non, elles ont conscience de la chance qu'elles ont d'être à Joinville. Donc, on a les créneaux d'entraînement qu'on voulait. Les autres éducateurs qu'on est arrivés, bah forcément, c'était pas prévu. J'ai commencé les séances d'entraînement le 1er juin pour faire des détections, montrer qu'on était ouvert, etc. Et j'arrive, il n'y a pas de ballon, il n'y a pas de chasuble, évidemment. Enfin, on arrive comme un feu de sarrasou. Les éducateurs, tiens, bah, je lui prends mes chasubles, l'autre, tiens, prends mes assiettes, prends mes ballons, machin. Et C'était top du pour coup, cette année. est-ce que je peux te, bah, je vais te poser la première question. Est-ce que tu as dit, bah, y a très peu de chances que je retournerai pour entraîner le public masculin. Pour quelle raison? Toute première qui me vient en tête, c'est la première raison pour laquelle j'avais décidé d'arrêter, c'est enfin, ça avait été une des raisons pour lesquelles j'avais décidé d'arrêter, c'est la violence. À la dernière grosse bagarre générale que j'ai avec Jules Moutier, contre un club dont je tais le nom parce que ça avait été naze. Là, je m'étais dit, ouais, pas possible en fait. Toi, j'entraîne en excellence. Je prends pas des milliers d'essence, je fais pas ça pour l'oseille. Mes joueurs, on était la seule ou une des deux seules équipes du championnat à prendre deux primes de match. Les seules primes de match, c'était une bouteille d'Oasis et de Coca qu'on avait à la buvette après. C'est tout. Et à la fin d'un match, ça part, le match se passe bien, on joue, machin. Je crois qu'on perd le match, on est à domicile. Donc, pour contextualiser un petit peu le truc, il y avait mon terrain de foot à Jougmoutier. Et autour, il y avait 1 km, il y avait un espèce de long couloir d'un kilomètre de champ et derrière la forêt. Donc, toi, ça faisait pas trop ghetto, ça va. Et ça part en vrille complet parce que t'as un adversaire qui dit que t'as un de mes anciens joueurs qui est sur la main courante qui a eu des propos racistes, chose qui était impossible de chez impossible. Et ça part en vrille, ça passe pas sur la main courante, pim pam poum, ça se tape. Moi je me disais, t'avais des femmes de mes joueurs qui venaient voir les matchs avec leurs gamins, t'avais même les parents qui venaient, bon, il y avait pas mal de monde. Ça part en vrille complet. Mon grand frère qui venait voir mes matchs. Elle se retrouve dans la bagarre générale, alors que toi, nous, on n'est pas violents, on est là pour séparer. Je vois mon frère voler dans tous les sens. Et là, je me dis, alors moi, je vais au milieu de la mêlée parce que c'est mes joueurs. Et je vois mon ancien joueur, à la fin, une fois que les flics qui arrivent, machin, qui a la tête, mais il a des bosses, j'avais jamais vu ça de ma vie. Il avait des bosses sur le visage, comme dans un film, comme Coluche dans Banzai, il a des bosses sur tout le visage. Je me dis, mais je vois, c'est mon stop, j'arrête. Et c'est donc du coup, avec les féminines, ouais, c'est Ah, je vraiment me pas le suis cas. fait. Ben, si y a. Malheureusement, ça commence à arriver dans Ah, certains endroits. d'accord, ouais. C'est dramatique. Et c'est ce qui me fera, je pense, arrêter le foot un jour. C'est que tu en as certaines qui pensent que pour que ça passe bien, il faut faire comme les abrutis qu'il y a dans le foot masculin. D'accord. Alors que non, t'es pas obligé d'être con pour faire du foot. Moi, tu vois, je me bats tous les jours aux entraînements. Et je dis aux filles que quand j'ai commencé à être entraîneur, au collège, ça faisait bien d'être entraîneur. Parce que c'est, voilà, ça faisait pas mal, ça faisait bien, tu t'occupes des jeunes, c'est du foot. À l'époque, c'était un peu à la mode, on va dire. Et après, j'ai connu le fait que bah, quand tu t'intéresses au foot, ça faisait beauf. Genre, tu lis l'équipe et tu t'intéresses au foot et machin, c'est bon, t'es obligé d'être bête. Et moi, je combats, toi, j'ai de la chance d'avoir des filles qui sont en école d'architecte, qui sont en école de kiné, qui sont en STAPS en je sais pas quelle année, t'en as qui sont en école d'ingénieur, j'ai toujours pas compris ce qu'elles faisaient tellement je comprends pas leur diplôme. Donc j'ai eu la chance d'avoir des filles, voilà, mais en même temps j'ai des filles qui sont qui travaillent déjà évidemment, j'ai des infirmières, j'ai des gens qui sont à l'école de cuisine, on a tout. Et je leur dis, je combats l'idée qu'un footballeur est con. Ou une footballeuse. Mais enfin, là je le vois, tu joues des fois à des endroits, tu te fais insulter, bon, je les touche, mon adjoint qui se fait insulter, des joueuses qui sont insultées, menacées. T'as des endroits où, ça, où ils disent clairement que lève le drapeau, tu sors pas vivant du stade. Ouais, donc il y a une véritable imitation, une reproduction à ce qui se passait. Ah, mais carrément. Ouais. Carrément. Les petits comportements que tu détestais sur le terrain, des petites racailles qui arrivaient se pas reproduisent maintenant. Un cadre dans le foot, tu le retrouves maintenant dans le foot féminin à certains endroits. Bon, sauf que quand ça part en vrille, en féminine, quand tu vois le format de François. Et moi, tu vois, quand t'as deux lascars qui arrivent entre guillemets de 90 kilos, pour séparer, c'est plus facile. Mais sans rentrer dans les détails, là, oui, parce que c'est peut-être pas ce dont on veut promouvoir. Est-ce qu'il y a d'autres aspects par rapport au fait que tu souhaites entraîner les filles? Mais surtout, moi, la question qui m'intéresse surtout, qu'est-ce que c'est maintenant d'être entraîneur d'une équipe féminine? Notamment, pardon, senior, qu'est-ce que ça a modifié chez toi? Comment tu as dû t'adapter par rapport à un nouveau public? Il faut oublier tout ce que tu pensais comme acquis et te dire que ce que tu entraînais, enfin, ce que tu faisais en débutant pour Saint-Benjamin, vu que tu es un senior, tu ne le feras plus jamais. Là, si en fait, tu es obligé de le refaire. Parce que le premier truc qui te frappe quand tu arrives en féminine, en senior, c'est un truc que tu trouveras jamais chez les garçons. En garçon, demain, tu vas être entraîneur senior. Ça peut pas arriver, quasiment. Ou alors, rappelle-moi pour me le dire. Mais tu vas pas avoir un mec qui va arriver à 24 ans et qui va dire « Bonjour, monsieur, j'ai jamais fait de foot de ma vie, mais j'ai envie d'essayer. » Ça n'existe pas chez les garçons. Au pire, tu as joué avec ton père, tu as joué avec tes potes, tu as joué avec ton frère. T'as joué dans la cour d'école, t'as joué. T'as pas un mec de 24 ans, 25 ans qui va arriver en disant j'ai envie d'essayer. Okay. Ou alors j'ai juste fait du foot en STAPS. Ça n'existe pas chez les garçons. Quand t'arrives en senior, t'es déjà dans la compète et t'as des garçons souvent qui ont 6, 7, 8, 10 ans, voire plus de foot derrière eux. En club, plus ce qu'ils ont fait à côté. Et ben toi, en féminine, t'as des filles de 24 ans, des fois, qui sont capables d'arriver en disant. J'ai jamais joué au foot. J'ai fait un peu de sport. Ou j'ai fait du sport. J'ai envie d'essayer. Donc, tu dois être capable de faire jouer et de trouver une harmonie dans ton équipe entre des joueuses qui ont 10 ans de foot derrière elles, 10-15 ans de foot derrière elles, qui ont pu jouer à un niveau intéressant en 19 NAS, avec une fille qui va faire sa première séance demain matin. Et avec ça, tu dois faire des séances cohérentes, faire progresser tout le monde. Parce que tu vas faire progresser les meilleurs comme celles qui débutent. Bah vas-y, Julien, dis-nous, c'est quoi ton secret? Comment on fait? Comment on fait? C'est beaucoup d'images. Beaucoup d'images? Ouais. D'accord. Beaucoup d'images, de métaphores pour. En utilisant, par exemple, l'année dernière, mon arrière-droite, entre guillemets, venait de l'athlétisme. J'en avais une autre qui venait du basket, j'en ai une qui a fait sport de combat, etc. Et je vais m'appuyer sur leur sport à elles. Ah, oh, intéressant. Okay. Pour qu'elles comprennent. Parce que je sais qu'elles ont la représentation rapidement sur leur truc à elles. Mmh. Ça, par exemple, ma joueuse qui faisait de l'athlétisme, qui faisait, je crois, de mémoire, elle m'excusera si j'ai dit une boulette, mais du 400 ou 800 mètres. Qui court vite très longtemps, ça fait mal à la tête. Mais quand je lui explique un appel de balle, forcément, c'est à part avec Angèle, parce qu'elle va tellement vite. Donc, je lui dis, bah, arrondis ta course. Comment, machin? Bah, ok, tu vois le son en hauteur. Bah, il a arrondi sa course, bon, papapapapap, hop, et il prend toute sa vitesse et il part pas tout droit. Arrondis ta course, exactement comme lui. Sur un sport de combat, je vais lui dire. Voilà, appel contre appel, j'apparais, je disparais, bah comme quand tu fais de la boxe, tu donnes, hop, tu remises, tu ressors tout de suite. ça va être exactement, voilà, je vais utiliser beaucoup de choses comme ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail technique, du travail participatif aussi, où je vais mélanger des fois les groupes sur certains exercices techniques de base, on va dire, parce que je travaille beaucoup les gammes, beaucoup, beaucoup, beaucoup les gammes, beaucoup plus qu'avec les garçons. Alors peut-être que je ne le fais pas assez avec les garçons, je ne sais pas, mais avec les filles, je le fais beaucoup. Sous forme de position ou pas nécessairement ? Non, beaucoup de travail à vide. D'accord. Beaucoup de travail à vide. Parce que tu pars sur des filles qui ne savent pas faire un contrôle pour certaines, mais qui vont jouer, qui vont être amenées à jouer avec une fille qui est capable de faire une transversale. Donc, si tu fais une opposition, ça va ressembler à du pouce-ballon et elles ne vont pas prendre de plaisir parce qu'elles vont être en situation d'échec. Et les progrès arrivent à une vitesse de dingue. C'est impressionnant. Les filles intellectualisent beaucoup plus que les garçons, même si j'aime pas faire de généralité. Voilà, elles sont beaucoup plus scolaires, des fois trop scolaires par rapport aux garçons. Mais elles vont chercher à comprendre pourquoi, comment reproduire, etc. Elles aiment beaucoup, pour la plupart, justement, la démonstration. Et elles vont pas hésiter à te demander plusieurs fois, remontre-moi, remontre-moi, remontre-moi, se placer juste toi dans un angle, puis dans un autre angle, voir comment tu poses ton pied d'appui, avec quelle zone de contact tu frappes, machin. Veulent même des fois, quand on a travaillé les frappes de balle, filmer, voilà, tiens, là, et ça, reproduire. C'est quand je frappe. Ça c'est quand tu frappes. Regarde la différence, quand moi je frappe, la position de mon corps, mon pied d'appui, machin, regarde le tien. Voilà, et regarde maintenant les ballons, comment ils font. Il y a une de nos filles qui, on lui disait, voilà, fais attention, celle qui faisait de l'athlétisme, fais attention, tu es très souvent aspiré par ce qui se passe avec le ballon, mais dans ton replacement défensif, c'est mort. On lui a rien dit, on l'a filmé sur la petite opposition d'entraînement. Elle a fait, ah ouais, putain, je ne m'en rendais pas compte. Et elles ont vraiment beaucoup besoin d'images, de pouvoir comprendre exactement le truc, vu que c'est un geste qui pour toi semble naturel. Tu vois, je te donne un ballon, on va aller se faire des passes au bout de la rue. On va pouvoir se faire des petites passes en l'air, marrant. On va s'amuser avec juste un ballon parce qu'on sait le faire depuis qu'on est petit. Et un truc qui, pour toi, est tellement logique, elle arrive à 23-24 ans, elle ne l'a jamais fait de sa vie. Bien sûr. C'est compliqué de faire l'école de foot, la préfo, sachant que tu as un match samedi en championnat en senior. C'est hyper intéressant. Est-ce que ça a changé un peu la façon dont tu structures l'entraînement, même si tu m'as parlé le fait que tu mettes notamment du travail à vide. Est-ce que ça a changé la façon dont tu structures l'entraînement, les représentations, très intéressant. Également, est-ce que ça a changé la façon dont tu manages, notamment par rapport, je sais pas, la façon dont tu t'exprimes face au groupe, la façon dont tu gères le match, la façon dont tu gères une causerie. Je vais changer un peu de discours. Je vais parler un peu moins avec la testostérone, même si des fois je me laisse emporter. Une fois qu'on est dans le match, moi je leur ai toujours dit, quand je suis arrivé à Bollaren, le premier truc que je leur avais dit, j'entraîne, entre guillemets, vulgairement, sans que ce soit péjoratif, j'entraîne un maillot, un short et une paire de chaussures. Après, ce qu'il y a dans le short et dans le maillot, je m'en fiche. Pour moi, c'est du foot qu'on fait. L'esprit de compétition, que j'entraîne des garçons ou des filles, pour moi, il est le même. La rigueur que j'ai avec les garçons, c'est le même avec les filles. Une fille qui vient en faisant n'importe quoi, va faire des pompes comme les garçons faisaient. Je peux la virer comme j'ai viré des garçons. Tu rentres pas dans le cadre, c'est exactement la même chose. Ça, le cadre, il change pas. Des fois, je sais que je me laisse emporter, que quand je prends un peu de recul, je me dis, ouais, là, quand même, j'étais un peu loin dans ma façon de parler. Même si ça fait 5-6 ans, il faut encore que je travaille sur ça. Je sais que c'est mon axe prioritaire d'amélioration. Mais après, ça va être sur l'intensité que tu vas mettre, sur les thèmes abordés. Je vais aborder à peu près les mêmes, mais de manière différente. Tu es obligé de repasser toujours par l'initiation, en fait. Toi, et ça me rappelle quand je te parlais tout à l'heure de mon senior à 28 ans qui n'avait jamais entendu parler de défense en zone. C'est pareil, à chaque thème que tu vas faire, tu es obligé de prendre un peu d'initiation au thème pour après venir dans le perfectionnement et pouvoir l'utiliser le samedi. Mais ça, après, c'est ce que je te dis, c'est valable évidemment à mon niveau en R3, en R1, évidemment, c'est moins le cas, même si j'ai vu des filles arriver à jouer en R1 dans un ancien club où j'étais qui qui débutait aussi le foot et qui n'avait pas de notion tactique du tout. Bien sûr. Est-ce que le projet est différent? C'est-à-dire, est-ce que tu abordes, tu mets en place, je sais pas, est-ce que tu as changé la façon dont tu as abordé ton projet de jeu avec les filles? Est-ce que en début de saison, est-ce que tu as amené soit le projet sportif et le projet de jeu, est-ce que tu l'as amené pareil? Est-ce que tout au long de la saison, comment dire, tu le fais vivre et tu le fais évoluer pareil? Je suis à peu près dans le même, Dans la même dans le démarche? même, ouais, dans la même démarche. On met un cadre, on a un espèce de règlement intérieur que tout le monde doit valider et tout le monde doit accepter. Évidemment, au fur et à mesure de la saison, bah, t'as des trucs, tu vas lâcher un peu de lest sur certaines choses et moins sur d'autres. Bien sûr, que tu as mis en place avec les joueuses ou... Non, avec le staff, que les joueuses D'accord. On ont pris validait. connaissance, Ouais. signé, et si tu le refuses, tu t'en vas. D'accord. Mais si tu l'acceptes, bah, sans connaissance de cause. Mais après, les filles, pour participer, je leur avais demandé, on pouvait rajouter des choses qu'elles voulaient mettre dedans, par exemple. Tu vois, j'ai une connerie, si elles veulent que j'arrive au stade 10 minutes avant, pour X raisons, que je parle moins fort, enfin, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais après, l'année dernière, on voulait absolument monter pour sortir du niveau district, pour que ça devienne plus intéressant, parce qu'il y avait des matchs qui n'étaient pas intéressants. Parce que des équipes pas structurées en face, une équipe, les pauvres, on leur a mis 18-0 et 19-0 aller-retour. Personne n'a pris de plaisir, ni elle, ni nous. Alors que là, en R3, voilà, c'est des vrais matchs de foot, c'est hyper intéressant. Mais on leur avait dit, on veut monter, mais si on ne monte pas, c'est pas la fin du monde. On avait dit avec le directeur technique qu'on s'était mis d'accord sur un projet à long terme. Et donc, si on ne montait pas, je ne serais pas viré, le projet ne va pas s'effondrer, etc. D'accord. On s'est pas fixé d'objectif. Cette année, je voulais absolument me maintenir, évidemment. Parce que, un, je suis compétiteur et pour le bien du projet, il fallait qu'on se maintienne. Mais j'ai pas envie de te dire, toi, par exemple, j'ai pas dit aux filles, parce que je l'ai pas dit non plus au staff, ni à moi-même, dans 3 ans, je vais être en R2 ou dans 5 ans, je vais être en R1. On n'a pas ce projet-là. On veut vraiment structurer le truc à fond. Avoir de plus en plus de filles en école de foot et dans toutes les catégories, réussir à sensibiliser mes seniors pour qu'elles deviennent éducatrices au club. Ça, ce serait mon kiff. Toi, je veux pas Ah, forcément que ce exact. soit les U17, U18 qui fassent comme moi, qui deviennent éducatrices au club, même si évidemment je serais heureux. Mais j'ai envie que mes seniors, justement, soient la passation. Cette année, aux filles au foot, c'est une fois par mois, le district organise ça dans un endroit différent. Et on a mis en place avec Stéphane, mon adjoint, qui est responsable de la section féminine aussi. Bah, à chaque fille au foot, tu as deux ou trois seniors féminines qui accompagnent les petites. Ça fait déjà une passerelle. Les petites connaissent bah, deux, trois, quatre filles des seniors. Les parents des petites voient que les seniors viennent s'investir aussi avec les petites. Donc ça donne une super bonne image. Et c'est ça le projet. Le projet, on l'a dit dès le départ, dès qu'on l'a mis en place avec Steph, Claudia, Joël, on part sur un projet humain. Et moi, le but du jeu, c'est si, alors je ne sais pas combien de temps je resterai, si dans 15 ans, je ne suis plus là et que je reviens et que je vois qu'à Joinville, bah, il y a toujours une équipe senior qui joue au niveau ligue et qu'il y a des équipes féminines dans toutes les catégories et qu'on est à 150, 200 licenciées féminines. Tu me dis qu'on avait posé de bonnes fondations et que le truc il est en route et que c'est top. D'ailleurs, Mais Julien, on n'est pas parti sur un. ouais, c'était une des principales questions que j'allais te poser par rapport à en clôturant doucement comment dire, ce sujet-là. C'est quels sont tes projets actuels et quels sont les projets que tu as toi pour la prochaine saison ou enfin les projets dans lesquels tu te lances. Est-ce que ça répond un peu à cette question-là si je peux me permettre? Là, clairement, on est dans la continuité. Là, on avait fait un point avec Bruno, le directeur technique, et Stéphane, qui a la double casquette d'adjoint en senior et responsable de la section. C'est que l'année prochaine, je veux plus m'investir sur le plan technique avec les éducateurs qui sont dans les autres catégories féminines. Transmettre, ben, comme on a dit depuis le début, toi, je ne suis pas très vieux, je vais avoir que 39 ans, mais je commence à avoir un peu d'expérience. Donc bah, forcément, j'ai pas mal de trucs à pouvoir transmettre, moi aussi à apprendre auprès des jeunes parce que je me rends compte qu'avec les nouvelles formations, bah, ça fait tellement longtemps que bah, j'ai des trucs aussi à apprendre d'eux. Mais j'ai envie qu'on parle d'un même langage, Le même langage, oui. Qu'on ait une identité. Alors, évidemment, demain, on ne sera ni l'Ajax des années 2020, ni l'Auxerre des années 90 avec toutes les équipes qui jouent dans la même façon, etc. Parce que, et les joueurs aussi, on fait avec ce que tu as comme joueur pour tes schémas. Mais voilà, je veux. Mon premier directeur technique, qui avait été mon premier formateur avant même le district à l'époque, voilà, je veux donner les bases à ces éducateurs-là, qu'on travaille la même chose, qu'on travaille de la même manière, même si toi, tu vas faire un exercice de tu me passes d'une certaine façon, moi peut-être d'une autre, mais le but sera le même et on aura la même sensibilité. L'année prochaine, c'est ça, c'est m'investir sur ce point-là, sur le plan technique, avec les jeunes éducateurs, être plus présent pour les autres catégories. Le dimanche, il faut que je me fasse violence le dimanche matin, parce que nous, les féminines, on joue le samedi à 17h30, et le dimanche matin, bah, faut que je me fasse violence à aller voir les petites catégories, pour bah, voilà, voir ce qui se passe chez les plus petites, que les plus petites aussi voient que bah, on s'intéresse aussi à elles. Bien sûr. Et voilà, ça va être ça. Continuer à travailler en senior pour développer, évidemment, mais c'est voilà. Garder la tête de la pyramide compétitive et exemplaire, surtout au niveau du comportement, et après bah, développer encore ce qui se passe en dessous, quoi. À chaque fois, tu me devances quasiment mes questions. En fait, je sais même pas si c'est pour ça que je te laisse parler, parce qu'en fait, à chaque fois, tu les devances et tu y réponds quasiment. T'as parlé de continuer à te former. C'était une des deux dernières questions que je souhaitais aborder avec toi. C'était toi, bah c'est ça. Tu dis que tu n'es pas encore. Tu dis que tu es encore jeune, et moi je partage ce point de vue, mais que tu as Très gentil. énormément de connaissances que tu peux quand même, avec beaucoup d'humilité, j'imagine, commencer à transmettre la richesse de ton parcours qu'on vient d'aborder. C'est quoi ton secret? Comment tu fais toi pour continuer justement à rester en veille et à continuer à progresser, à te former? Est-ce que tu as des techniques? Est-ce qu'il y a des lectures? Est-ce que tu as des comment tu continues justement à continuer à te former, à La progresser surtout? priorité des... Enfin, c'est pas un secret, mais la priorité, tu l'as dit, il y a des mots que tu as utilisés qui pour moi est le plus important, c'est l'humilité. Alors oui, toi, ça fait toujours bizarre quand je le dis parce que bah, ça fait plus longtemps que j'entraîne que la moyenne d'âge de mon équipe. Ça fait bizarre quand t'as que 39 ans. Ça fait 24 ans, 25 ans que j'entraîne. Alors déjà, je vis chaque saison que je vis comme si c'était la dernière. Et je le vis vraiment. Peut-être que j'ai une connerie, mais peut-être que demain, Bruno va m'appeler en me disant, Jules, écoute, on a décidé de t'arrêter. Quand j'ai voulu lancer le projet Joinville, j'avais dit que si Joinville ne voulait pas du projet, j'arrêtais le foot. Et là, finalement, c'est parti. Donc, ouais, c'est reparti. Mais déjà, un, je le vis à fond chaque saison comme c'était la dernière. Après, humilité à 200%. Moi, je suis là pour les joueurs ou les joueuses. Et c'est pas l'inverse. C'est pas elles qui sont là pour moi, pour que je me serve d'elles pour arriver au niveau où je voudrais être. Et je sais qu'il y a des entraîneurs qui sont comme ça, qui le disent et qui l'avouent, et c'est très bien pour eux d'assumer ce truc-là, mais c'est pas ma façon de voir les choses. Moi, je suis là pour servir les joueurs dans un projet, dans l'intérêt supérieur de l'équipe. Donc, je sais que je suis pas Arsène Wenger ni Guardiola ou compagnie. Je sais que j'ai plein de lacunes parce que si j'entraîne qu'en R3 aujourd'hui avec mon BEF, c'est aussi que ben, je dois avoir des lacunes et des manques quelque part. Sinon, j'entraînerai en R1 peut-être depuis quelques années ou je sais pas où. Donc, il doit y avoir des lacunes quelque part aussi. J'avais un formateur qui disait tu dois avoir des convictions mais aucune certitude. Parce que si tu as des certitudes, ça veut dire qu'à la base même, tu refuses De les remettre en doute. la possibilité de te tromper. Et ben non, je suis le premier à reconnaître. Des fois, ça m'arrive de dire aux filles, ben, là sur ce match-là, c'est moi, je me suis planté. Soit sur la causerie, soit sur le schéma, soit sur la compo, soit sur le changement. Moi, je me suis planté. Vous avez été bonne, j'ai pas été bon. Des fois, c'est l'inverse, des fois, c'est les deux. Des fois, je sais que je suis pas bon, que je me trompe. En plus, j'ai la chance, moi, avec les filles, toi, j'ai des filles qui sont kinés ou qui sont en école de kiné, j'ai des filles qui sont en STAPS. Moi, j'ai pas eu la chance de faire ces études-là. Donc je leur demande, j'ai pas honte que qu'une fille de 21 ans me dise j'ai vu ça en stats, tiens regarde, qu'est-ce que t'en penses? Franchement, si ce qu'elle vient de me dire par rapport à son cours, c'est cohérent et que ça m'apporte un plus, et voire même ça me corrige, mais je suis demandeur. J'ai une de mes filles qui est en kiné, je lui dis bah, prends la séance d'étirement. Tu le feras mieux que moi, il n'y a pas de problème. Je crois que c'est Gourcuff une fois, Christian Gourcuff, il y a pas mal d'années. Je crois qu'elle avait dit une fois, pour une saison soit réussie, faut que tes joueurs aient progressé, mais que l'entraîneur ait progressé plus vite que ses joueurs. Et que si un entraîneur n'a pas progressé sur la saison, de toute façon, elle est ratée. Et j'avais entendu ça il y a très très très longtemps. Et pour moi, il a raison. Moi, je pense que cette année, c'est ma meilleure année en tant qu'entraîneur, d'un point de vue niveau personnel. Mais je pense que si l'année prochaine, je suis encore entraîneur et que je n'ai pas été meilleur que cette année, c'est que j'ai régressé. Et si toi, tu te régresses, tu ne peux pas faire progresser ton équipe, c'est pas possible. Bah, je l'avais jamais entendue, celle-là, et je pense que je vais la noter et je pense que je vais la garder. Enfin, vérifie, Merci. hein. Je crois que c'est Gourcuff, je suis pas sûr, hein. Je te laisse vérifier Ouais, mais dans les tous les sources, mais je cas, crois que elle c'est lui. reste utile quand même, peu importe qui l'a dit. Mais je sais que quand j'étais responsable technique à l'époque, je disais à mes éducateurs, vous devez progresser plus vite que vos joueurs. Ouais, bah, je suis bien content de Si l'avoir tu entendu refuses celle-là. de vouloir, si tu refuses de vouloir progresser, ça veut dire que tu t'es mis bah, justement dans ton cocon confortable et que bah, tu es rempli de certitudes, et bah, donc tu vas droit à l'échec. Parce que le jour où tu vas tomber sur un match où tes soi-disant certitudes prouvent que tu as tort, mais que tu refuses de le voir, bah, tu as perdu et donc tu vas perdre ton équipe même parce qu'elle verra que tu refuses de te remettre en cause. Et dis-moi, à ce propos-là, là, on t'a commencé à parler de modèles et d'ancienneté. Ce sera la dernière question que j'ai à te poser, Julien. Est-ce que sur ton long parcours, ton long et riche parcours, il y a eu des mentors? Et si oui, et si tu acceptes de partager à ce niveau-là, quel impact cela a pu avoir sur ton parcours? Alors, je n'ai pas eu un ou deux, tu vois, pas un mec que je me suis dit il est trop fort, je vais être comme lui. Je me suis servi de tous, en fait. Mais même, tu vois, le premier qui me vient, et tout à l'heure, quand tu parlais de. En tout début de l'édition, qu'on parlait de quand j'étais gamin, est-ce que c'était les meilleurs éducateurs qui étaient là, etc. Moi, mon premier entraîneur, c'était Jean-Pierre Jouanin, qui est décédé depuis longtemps, malheureusement. Alors, je crois pas qu'il était diplômé à l'époque, parce que je te parle de ça en 89. Donc, toi, je pense que les diplômes d'éducateur à ce moment-là, c'était pas le plus important. Mais il aimait les gamins qu'il entraînait. C'était fou. C'était un papa. Son gamin avait un an de moins que moi, donc il entraînait la catégorie de son fils. Mais tu voyais le. Ça m'avait marqué l'amour qu'il avait pour ses joueurs. C'était fou. On le regardait, tu vois, c'était dingue. Ça m'avait marqué. Donc, déjà, proximité avec tes joueurs. J'ai un autre qui m'a marqué, bah, c'était Alain Baclay, qui était mon directeur technique et qui entraînait les seniors quand j'étais petit. Qui lui, c'était la rigueur, il blaguait pas. Quand il t'avait demandé de faire ta fiche d'entraînement, si tu lui donnais pas une fiche d'entraînement, tu passais un seul quart d'heure. C'était la rigueur, c'était la connaissance technique. Toi, moi, à l'époque, un mec qui me parlait avec un brevet d'état, j'avais l'impression que c'était Pep Guardiola qui me parlait. C'était énorme. J'ai eu un coach, alors bizarrement, qui m'a pas beaucoup entraîné, parce que c'est l'année où je me suis fait les croisés. C'était François Navarro, décédé aussi. Je suis resté très proche avec d'autres joueurs de cette époque-là. Ça m'a fait, j'ai eu un très beau compliment. J'ai un de mes anciens partenaires de l'époque, on ne s'était pas vu depuis quasiment 20 ans, qui est venu me faire la surprise de me voir en couple cette année avec mes féminines. J'ai reconnu sa voix, je me retourne. Ouais, quasiment 20 ans qu'on ne s'était pas vu depuis qu'on jouait en moins 17. Et à la fin, il me fait putain, je suis content, j'ai vu la patte Navarro dans ton coaching. Donc ça, c'était un compliment qui m'avait forcément touché parce que c'était un entraîneur qui nous a tous touchés, une génération. Voilà, c'était un passionné pareil qui était capable de faire des boulettes tactiques ou des trucs comme ça, mais niveau passion et proximité de ses joueurs, il était extraordinaire. Il venait te chercher chez toi. Si tu disais, ouais, je suis pas sûr d'être là demain, parce qu'il venait te chercher chez toi et te ramener chez toi. Enfin, c'était le Giroud dans tous ses excès d'amour qu'il pouvait avoir pour son équipe et tout. Enfin, c'était énorme. Après, dans les entraîneurs connus, on va dire, bah, t'as Giroud, je me suis dit, enfin, ce mec-là, il a vécu un truc qui était exceptionnel. Je pense que s'il avait pas fait ça à Auxerre, je suis pas sûr qu'on serait aussi aujourd'hui, toi. J'ai été voir un match là-bas. Et je me suis dit, putain, mais c'est incroyable quand même. Il a créé la ville. Tu regardes la ville. Ouais. Le mec, il a mis un stade de foot de D1 à l'intérieur. C'est vrai. Il a fait des matchs de Coupe d'Europe. Il était cherché. Un ballon dans les tribunes, je crois que c'était les supporters de Dortmund. C'est un truc de malade. Il a peut-être mis Auxerre sur la carte de la France, oui. Mais c'est exactement ça, t'imagines. C'est incroyable. Le mec, il était joueur-entraîneur, joueur pas trop mauvais, mais c'était pas non plus Zizou. Et il est. Je crois qu'il a pris l'équipe, il était en DH, je crois, DH ou DHR à l'époque. Il est monté en D1, champion de France, Coupe de France. Il a fait une Coupe d'Europe. Dans la passion, c'est. Et quand tu regardes le. Il y avait une fois un reportage sur lui sur la téléfoot avec Djibril Cissé, Mexès, Boom Song, où ils avaient chanté une chanson pour Giroud, un hommage. Et quand tu entends, tu sais, les Djibril Cissé, les Basile Boli, tu imagines les générations d'écart qu'il y a entre les deux. Et les mecs, ils parlent de lui comme le papa, quoi. C'est un modèle. De ce côté-là, c'est un modèle. Mmh. Après, tu as eu des entraîneurs qui étaient plus expressifs, où tu voyais le plaisir. Il y a un entraîneur qui, pour moi, a pas un palmarès de fou, et pourtant, je pense que c'est un vrai bon entraîneur. C'est Roland Courbis. Quand tu le vois, il pue le foot. Il parle le foot. Alors que tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord avec lui. Mais quand je le voyais sur un banc de touche, toi, c'est comme Antonetti. Les mecs, tu sentais qu'ils vivaient leur truc. Des fois, je me tape un best-of sur YouTube de regarder best-of Antonetti ou Corbis. Mais je peux me taper des fous rires pendant un quart d'heure. Ouais, c'est pour ça que j'ai rigolé, parce que je me les ai déjà fait aussi. C'est quand Corbis, une fois, il dit à un joueur, même itinéris, s'il te capte pas, t'as pas de réseau. Tu te dis, le mec, mais comment tu peux sortir ça? T'es un match télévisé. Antonetti, il s'en prend à Vairua, il en a rien à foutre et qu'il commence à parler en Corse. Les mecs, tu vois que même à ce niveau-là, ils sont capables de lâcher prise complet et qu'ils vivent le truc, qu'ils kiffent. Quand t'as Jürgen Klopp je sais plus quel match là, où t'as le but et il court sur le terrain, la moitié du terrain pour prendre son gardien dans les bras, tu sais que ce que t'es en train de faire, c'est une débilité. Mais ouais, tu t'en fous, tu lâches. Après, les grands entraîneurs, je pense que ça, on est tous inspirés par eux, les Guardiola, les Jürgen Klopp, comme je l'avais dit à notre premier échange. Jürgen Klopp, qui, ouais, je sais, est très très proche de ses joueurs, qui va s'intéresser à un de ses joueurs, je crois que c'était à Dortmund, qui était pas bien, je pense au divorce, machin, 22h, il a été chez lui, viens, on va parler, on va boire un verre ensemble, etc. Chose qui, alors paraît-il, parce que c'est pas mes potes, mais que Guardiola, lui, reste relativement distant de ses joueurs. C'est ce que ses joueurs disent, il est très distant, il est là que pour le foot. C'est sa façon de faire. Moi, je suis plus proche et je m'inspire beaucoup plus de ce que Klopp fait, où tu sens une proximité avec ses joueurs. Et pourtant, tu vois des fois piquer des colères sur le banc de touche. Donc, tu vois très bien que tu peux être très proche de tes joueurs et pourtant être hyper exigeant et des fois être en colère, énervé contre eux. Ça n'empêche pas l'amour que tu as envers tes joueurs, ça, c'est pas un problème. C'est clairement une des raisons pour laquelle ça m'intéressait qu'on ait cet échange par rapport justement à la proximité, par rapport au parcours que tu as. Et ouais, non, c'est deux contre-exemples, enfin, c'est deux bons exemples aux antipodes qui permettent de voir qu'il n'y a probablement pas qu'une seule façon d'accéder à certains résultats et que bah, je suis content que tu aies accepté de partager et qu'il n'y a sûrement pas une seule façon de faire, mais qu'il y a plein de choses dont tu as partagé que je pourrais. Que c'est une expérience que je suis heureux d'avoir pu acquérir et que je pourrais garder. Julien, c'était ma dernière question officiellement. Tu ne le sais peut-être pas forcément parce qu'on ne se connaît pas très bien, mais peut-être que François pourra t'en pourra t'en témoigner que je ne suis jamais, enfin, la plupart du temps, je ne suis pas avare de questions, donc j'aurais pu continuer, mais à un moment donné, il faut que ça s'arrête, malgré Non, pas chaud. passionné que je puisse être. C'est ça, je souhaite te remercier par rapport à ton temps. Merci à toi. Merci de ta transparence. C'est extrêmement agréable. C'est pour ça que je coupais pas beaucoup, parce que moi, c'est ce que j'aime, c'est ce que j'apprécie. Mais ouais, c'était un plaisir. C'est la première fois que je le fais avec quelqu'un que je ne connaissais pas. Ça fait bizarre d'ouvrir la boîte à souvenirs de des 25 dernières années, je t'avoue, ça fait bizarre. Mais bah non, c'est cool. C'est cool. Ce serait trop C'est bien, en prétentieux de tout cas, la croire démarche que que ça tu se as. résume en 2 heures, mais c'était un peu l'idée. Non, mais c'est. Non, ça fait bizarre parce que forcément, je t'ai parlé de trucs que je t'ai pas parlé depuis. Je t'ai pas parlé, tu vois, de Jean-Pierre Jouannin, mon premier entraîneur. Le jour où j'étais au collège et qu'on m'a appris qu'il était décédé, c'était. C'est des moments compliqués. Mes joueurs qui étaient à mon mariage. Mes filles qui ont vécu mon divorce. Enfin, tu vois, c'est tout. Le foot est entremêlé de ta vie perso, de toute façon, toujours. Mais c'est vraiment un parcours qui témoigne de tout. Finalement, je pense que c'est pour ça, quand tu as dit finalement j'ai arrêté le foot, et puis je sais plus pourquoi, si j'aimais mon club ou si j'aimais le foot, et moi je me suis retrouvé dans cette réflexion, pas sur le parcours parce que je ne suis que sur le chemin, mais que effectivement le foot, c'est la casquette que tu as mentionnée qui ne se pose jamais. Elle fait partie, et puis autour de cela, c'est tout qui s'entrechoque. Mais c'est ça. Là, je vois des traces sur lesquelles. Il y a des traces que je reconnais sur lesquelles je suis en train de marcher, en tout cas. Mais écoute, je souhaite beaucoup de courage. En tout cas, ce que tu fais, la démarche que tu as là, de tes podcasts, c'est top. Je t'envie énormément sur l'expérience que vous avez vécue avec François, que tu continues à vivre là, que ce soit au Canada ou en Corée, c'est extraordinaire. Toi, plus jeune, je t'aurais dit, écoute, comment on fait? Parce que c'est assez extraordinaire. J'ai eu la chance de faire un voyage au Japon et j'ai toujours dit que si j'avais été plus jeune, j'aurais tout quitté pour essayer d'aller être entraîneur au Japon, tellement j'avais adoré ce pays. Et quand François m'avait parlé de toi il y a quelques mois en me disant, tiens, j'ai un pote qui est en Corée, machin, que je rencontre au Canada, va peut-être aller au Japon. Et je dis, salaud, je suis extraordinaire du coup. Franchement, si tu n'es pas entraîneur professionnel, mais que le foot te permet de vivre des trucs comme vous êtes en train de vivre, c'est exceptionnel. Bah, c'est pour ça que je me suis vu dans ton parcours, et que le foot n'est ouais, c'est une aventure humaine avant tout. Ouais. Et bon, Il y a plusieurs façons de vivre du foot. Soit il te nourrit financièrement, soit il te nourrit humainement. J'aurais bien Merci. aimé qu'il nourrisse un peu plus financièrement. Ouais. Merci beaucoup, Julien. Merci à toi. J'espère, bah, après c'est moi, mais ça pourra donner l'occasion d'un échange ultérieurement. Moi, je suis content que François nous ait mis en relation, et puis je serais curieux de voir justement jusqu'où va mener ton parcours. Et puis que, bah, si tu as vécu cette saison comme la dernière, j'espère que, bah, je te souhaite que ce ne soit pas le cas, en tout cas, et je continuerai forcément à suivre tes aventures avec une attention particulière. Bah, c'est gentil, écoute, t'as mon contact, hein, on reste en contact, puis écoute, on sait jamais. Ouais, avec grand plaisir. Ouais. Merci encore d'avoir partagé, et puis je te souhaite bah, bon courage pendant ce contexte particulier, et puis au plaisir. Ça marche, à bientôt. Une nouvelle fois, je suis ravi de pouvoir communiquer à travers cette conclusion et de vous dire tout le plaisir que j'ai de vous partager un nouveau contenu. J'espère que vous avez pu apprécier cet épisode et que votre curiosité a pu être apprivoisée. Si jamais c'est le cas, généralement un simple clic sur toutes les plateformes de podcast, via un réseau social, à une personne de votre entourage qui pourrait être inspirée, suffira. Une nouvelle fois, merci à Monsieur Julien Guilabert d'avoir offert de son temps pour rendre ce contenu disponible. J'ai longtemps hésité à savoir est-ce que je coupe la première partie concernant le confinement, et finalement dans mon esprit, plutôt que cela fasse hors du temps, cela fait plutôt office d'archive, et il me semblait difficile de dissocier cette partie qui me semblait très contextuelle et qui nous a permis justement de pouvoir échanger. Si jamais en tout cas vous avez apprécié cet épisode, eh bien je vous donne rendez-vous dans 2 semaines à la rencontre d'une nouvelle aventure, d'un nouveau voyage pour moi. Et cette fois-ci, nous resterons une nouvelle fois en Europe, mais dans une autre région de la France. En attendant, comme vous le savez, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.